Et sans déconner, c'est une hécatombe ce matin. Après le match des Diables hier, ma voix, il n'y en a plus. Allez, allez, allez. Ah bah. Attends, c'est lequel ton micro toi, c'est sûr ? C'est celui-là. Ah, il fonctionne bien, parfait. Bonjour à vous, je disais donc que c'est une hécatombe. Je vous explique en gros, d'habitude nous sommes quand même 5-6 dans le studio. Là nous sommes 2. 2 rescapés. Alors bon, il y en a une qui arrive péniblement à rescaper aussi et qui s'installe. Alors j'ai reçu un message à 5h34. Je pensais pas qu'un match de foot pouvait faire autant de dégâts. Non mais c'est un truc de fou, sans déconner. Alors attends, faut que je retrouve juste le message. Je ne vous cache rien, ce matin je vous dis tout. Sandro, qui est le réalisateur de cette émission, m'écrit à 5h29. Hello, je ne me sens pas du tout bien ce matin. J'ai la tête qui tourne pas mal, je vais me reposer, j'arriverai plus tard à la radio. Moi je lui réponds, hello, t'as trop fait la fête toi hier soir? Pas du tout, on est parti à la mi-temps. J'ai envie de te répondre, mytho. Ensuite, j'arrive à la radio. Normalement, il y a toujours Jean-François qui est avant moi. Il est là à 5h45. Là, pas de Jean-François. Et toujours pas de Jean-François. Alors, je pense que lui, il a fêté grave la victoire hier, mais comme un vieil enfoiré. Et qu'on n'aura peut-être pas d'infos de toute la matinée. J'ai aucune nouvelle. Hein. J'ai même pas un message, j'arriverai en retard. Je vomis, rien du tout. C'est un Carolo qui fête la victoire, c'est énorme. Justine m'envoie un message. À quoi elle a fait quoi? 5h50, attends, je le récupère petit à petit, voilà. Evan, virgule, je pense arriver trop juste pour le flash. Elle m'a envoyé ça à 5h48, sachant qu'elle habite juste en face. Bonjour Justine. Hello. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai oublié pas mal de choses. Je crois que j'ai encore un peu d'alcool dans le sang, c'est pas bien. Ah bon, t'as fait la fête? Oh, ça va pas du tout. C'est vrai que t'as les yeux dans un état. Ils sont plus alignés en fait, c'est ça qui est drôle. T'as fait la fête jusqu'à quelle heure toi? Jusqu'à 2h50. Ah bah ça va, t'as 2 heures de sommeil, c'est largement suffisant. Et t'as bu quoi? J'ai bu pas mal de bière. Bon, ça va, t'as fait pipi partout. Et un peu de vodka. Ah, ça c'est pas bien. C'est pas bon pour le corps, la vodka. Autant la bière, c'est bien parce que c'est très belge, mais bon. Khalid, oui. Toi, t'as bu quoi? Bah, rien. Ah, moi que dalle, moi tout va bien. J'ai vu le match, c'était génial. On a gagné, c'est génial. Et voilà, je suis sobre et à jeun. Il était magnifique, hein, le dernier. Le seul. La patate de N'Golan, elle a fait plaisir. C'était incroyable. Ah ouais, incroyable. C'était... Il était magnifique. Et alors, j'ai vu les images hier de la place en liesse où tu étais d'ailleurs, Justine, je pense, oui. Sur cette place, au moment où il y a le but. C'est juste incroyable ce qui se passe. Ouais. La foule est en délire. Alors, moi, j'ai essayé d'accéder à cet endroit-là. Je suis parti trop tard, j'ai pas pu. Du coup, je me suis rabattu dans un petit village à Rhodes-Saint-Genèse. Je sais pas si vous voyez où c'est. Ouais. Et alors, c'est génial parce qu'ils ont une panne d'électricité. Oh, c'est pas vrai. Mais si, c'est vrai. Bon, enfin. Et donc du coup on n'a pas pu voir une partie du match. Mais bah, ça s'est passé tranquille. Ensuite j'ai fini dans les studios avec Vince et toute l'équipe. C'était top. Bon, bonjour à vous, on va s'installer tranquillement ce matin autour de la table en ce jeudi 23 juin, lendemain d'une victoire méritée. Oui, on est en 8e. Ça c'est bon, c'est gagné. Il est 6h05. Fun. Fun Radio. Les infos, eh ben il n'y en aura pas aujourd'hui. Fun Radio. Gym Tonic. Et 1, 2 et 3. Ou Gin Tonic. Lâchez-vous. Neckerman, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. Bon alors autant les infos on peut pas les faire parce que Jean-François n'est pas là et nous n'avons aucune nouvelle. Donc si vous faites partie de la famille de Jean-François, réveillez-le dans le canapé. S'il car, vous plaît. Il faudrait qu'il arrive au moins pour le flash de 6h30, voire de 7h, voire de 7h30, parce qu'à la direction ils vont faire la gueule sinon. Un mot sur la météo, ça on peut le faire quand même. Ah bah oui, bah il va bien faire chaud aujourd'hui, hein. C'est entre 21 et 22 dans tout le pays. Il y a, c'est moins chaud qu'hier du coup. Comment ça moins chaud? Bah hier après-midi moi j'avais du 27-28. On parle du matin là. Ah ouais, je parle du matin, hein, donc ça va bien. On va dire, les minima, c'est 21, le max, c'est 28 aujourd'hui. Et il y a certains endroits où il y aura de l'orage, donc prudence quand même à vous tous. Et surtout sur les routes. Bon courage à vous, les leçons de Maître Gims, c'est ce qui arrive dans un instant pour parler des cadeaux de la semaine. À gagner votre Pop 4 de chez Alcatel et plein de rendez-vous dans cette émission du Sundance Floor et de la déconne. C'est Evan, c'est la tribu, mais en mode tarif réduit ce matin. Enfin, équipe réduite. Oh, dégâts. Fun Radio. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Du son dance floor et de la déconne pour vous secouer dès le matin. Et ton fils, et ton fils, bless, Matuidi, Ribéry, Benzema, oh, Pogba, boom. Ah ouais, oui, voilà, nous. Elle a jeté son cœur dans le fleuve. À part ses colliers, tu n'as plus rien à lui briser. Elle avance dans le noir, tout à coup le sol s'allume comme dans Billie Jean. Tout s'accélère, elle veut contrôler le monde, tu comme un Rockefeller. Elle veut régler ses comptes et rappeler la cagnotte, peu importe le prix. Donc elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Mercobenz. Elle m'a demandé un selfie. Elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Mercobenz. Elle est Bugatti, Zonda, Zou, Zou, Porsche, Panamera, Zou, Zou, Bugatti, Verona, Zou, Zou, Berlinetta, Zou, Zou, Bugatti, Zonda, Zou, Zou, Porsche, Panamera, Zou, Zou, Bugatti, Verona, Zou, Zou, Berlinetta. Ça ira, ça ira, ça ira pour ce soir. Ça ira, ça ira, ça ira pour ce soir. Les compliments n'ont pas d'effet, mademoiselle a l'habitude qu'on lui parle en chiffres. Sentiment de ralentir, tu t'effrites peu à peu comme un morceau de chips. Donc elle m'a demandé un selfie, elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le Merco. Elle m'a demandé un selfie, elle était belle comme une elfe. Le compliment n'est pas gratuit, pas du côté passager dans le 6-5. Sur Fun Radio, jeudi 23 juin, c'est aujourd'hui, toute l'équipe est là, en partie, hein, puisqu'il y a des dégâts. La Belgique a la gueule de bois ce matin, mais pour une bonne raison, il y a eu la victoire hier des Diables, 6h10, bonjour. Stéphane et la tribu, c'est sur Fun Radio, de 6h à 9h, et y'a plus de retard. Stéphane et la tribu, c'est sur Fun Radio, et ça fait trop du bien, et sans jeu. Bonjour les doudous, dites-nous comment ça va ce matin. SMS 3044, message sur le Facebook de l'émission. Les SMS 3044, 50 centimes par envoi, également le Snapchat de l'émission. Je vous rappelle pour ceux qui viennent nous rejoindre ce matin que l'équipe est amputée d'une bonne partie de sa team à cause ou grâce au match d'hier soir. Évidemment, tout le monde a fait grave la teuf et quand on se lève à 5h du matin, il faut assumer derrière. Alors Justine assume plus ou moins ce matin. Et je suis là. Tu es là. Tu es là, tu es arrivé à 6h02 et pour toi ce matin, chaque mot compte. Oui. Mais chaque mot pèse très très très lourd. Ça fait très attention à ce qu'elle dit. Elle ne se souvient pas totalement de sa soirée hier soir. Tu l'as passé où alors la nuit en gros? Réfléchis bien. On a roulé beaucoup. Vous avez roulé? Oui. Mais enfin. Et après, on était chez Oli, de la programmation, enfin, Party Fun. On d'accord. Était chez Oli. Donc, bah, c'était juste à côté de la radio, ça va? Oui, oui, oui. Oui. Non, oui. Et alors, vous avez roulé, mais dans quelle direction? Vous savez pas trop Bah, ça. je sais pas. Par là quoi. Enfin, c'est un moment donné, il nous arrive un truc de fou. Oui. À un moment donné, on voulait traverser une place où il y avait bah, évidemment du bordel, mais c'était notre chemin. Et puis il y a une petite dame en chaise roulante, oui. En chaise roulante mais électronique, c'est-à-dire avec un bouton, tu sais, qui va super vite. C'était super drôle. Oui. Elle tape à notre carreau et donc on se dit qu'est-ce qu'elle nous veut. Donc on avance un peu, on accélère, mais toujours dans les embouteillages. Elle nous regarde de côté, elle fait marche arrière avec sa chaise électronique. Elle nous demande d'ouvrir le carreau et puis elle dit je suis de la police mais en civil, mais elle était complètement bourrée. Elle était ivre morte. Oui, mais avec un t-shirt des diables, etc. Et mais on comprenait pas ce qui nous arrivait. Et donc on a eu super peur d'elle et on a fait demi-tour. Et sans déconner, le nombre de litres de bière qui sont passés hier soir, je serais curieux de connaître la consommation par habitant hier chez nous. Franchement, c'était un truc incroyable. Ah, c'est le PIB du Soudan apparemment. C'est n'importe quoi. Dans un instant pour le son Dance Floor, il y aura du Enrique Iglesias sur Fun Radio. Il y aura Rochelle aussi. Dans un instant, ce sera les meilleurs moments de l'émission. On aura également l'horoscope aux alentours de 6h20, l'horoscope de l'amour et de l'amitié. Est-ce qu'on a des prénoms à fêter aujourd'hui, Justine? Dis-moi ce que tu as pu regarder. On fête les Audrey. Ah, c'est la Saint-Audrey aujourd'hui, et de la Power. Paola, voilà. Audrey et Paola. Bonne fête si bah, vous fêtez ce prénom aujourd'hui d'Audrey ou de Paola, ou si vous êtes né un 23 juin. Le soleil s'est installé. C'est vrai que sans déconner, pour la première fois, j'ai eu vraiment très chaud cette nuit. Et j'ai fermé les portes parce que les moustiques attaquent. Ah, ils arrivent là. Ah putain, les enfants. Ah, ils sont relous. Hein. Ah, les moustiques. Et puis des trucs, c'est, à mon avis, ils prennent de la testostérone ou un truc comme ça, ou ils font de la muscu parce que c'était des trucs énormes. Moustiques attaquent ce matin sur Fun Radio. Milk Incorporated. Avec Last Night et DJ Save My Life, c'est maintenant pour le son Dance Floor. Bon réveil tout le monde, bon jeudi. Last night a DJ save my life. Last night a DJ save my life, yeah. Cause I was sitting there bored to death. And in just one breath he said, you gotta get up, you gotta get up, you gotta get down, girl. You know you drive me crazy, baby. You got me turning to another man. Called you on the phone. No one's home. Maybe why leave me all alone? And if it wasn't for the music, I don't know what I'd do. Yeah. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life from a broken heart. Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life with a song. Car didn't get very far, no, 'cause I had you on my mind. Why be so unkind? You got your women all around this town. But I was trapped in love with you, and I didn't know what to do. You better hear what he's got to say. It's not a problem that I can't fix, 'cause I can do it in the mix. And if your man gives you trouble, just to move out on the double, and you don't let it trouble your brain, 'cause away goes trouble down the drain. I said away goes trouble down the drain. 6h17 sur Fun Radio, à suivre l'horoscope, l'horoscope de l'amour et de l'amitié. On est là comme tous les matins entre 6h et un peu plus de 9h. Et Justine, rappelle-nous le cadeau qu'il y aura à gagner tout à l'heure. On va l'offrir plusieurs fois ce matin d'ici 9h. On vous offre le tout dernier smartphone de chez Alcatel, il s'agit du Pop 4. Alors pour jouer avec nous, c'est très simple, il suffit de vous inscrire par SMS. Et si jamais vous êtes rappelé aux alentours de 8h15, de 7h15, et bien que vous décrochez, vous pourrez repartir avec ce Pop 4 de chez Alcatel. Vous envoyez le code POP, P-O-P, suivi de vos coordonnées. Vous envoyez le tout au 6322, c'est 1€ par message. Allez, avant l'horoscope et avant d'écouter le son de Enrique Iglesias, on va entendre un des meilleurs moments de l'émission d'hier. Et notamment hier, nous avons fêté un anniversaire d'un petit jeune, 6 ans, qui avait envie de dire du grand mot hier. Écoutez, ça s'est passé chez Evan et la tribu. La nif du jour. Des anniversaires de stars. Oui, c'est l'anniversaire de mémoire de Michel Sardou qui fête ses 60 ans. Mais les autres, je les ai pas retenus du coup. Comme j'ai plus d'envie. Attends, je regarde. Quel âge il a, Michel Sardou? 69. Je vais avancer jusqu'au moment où il fait là, là, là. Hey, 4h du matin en fin de soirée. La seule qui applaudit. Les soirées c'est Jean-François. Ça c'est pour chercher les gens. Pour dire rentrez chez vous, il est 6h du matin. On veut fermer, on est crevé. Ça c'est les DJ de fin de soirée en mariage. Généralement il est 5h. Il y a encore 10 poivrons qui sont sur la piste de danse. Les mecs veulent Michel Sardou, le lac des Connemara. Et en fait tu fais la bêtise en disant tu vas les crever. Mais pas du tout, les mecs continuent à danser. Mais il fait comme si on n'était pas là. Il fait comme si on n'était pas là, c'est génial. Vas-y, tout le fruit de la guerre. Maintenant, c'est maintenant. Vas-y, Charles. Bon, on a vu tous ces plombages sans exception. Hey, merci, tu as Jean-François. Des amygdales magnifiques. Nous allons appeler tout de suite quelqu'un qui fête son anniversaire. Je fais sonner immédiatement. Attention, c'est une surprise, c'est un enfant. Donc qui ne connaît pas a priori Michel Sardou, sauf s'il sort en boîte avec son papa et sa maman à 5h du matin. Nous allons appeler chez lui et lui souhaiter un bon anniversaire. Oui, bonjour. Bonjour, pourrais-je parler au petit Nicolas? Oui, bonjour. Il est où Nicolas? Est-ce que tu sais qui t'appelle? Je sais comment tu t'appelles. Alors, tu sais comment je m'appelle ou pas? C'est Papa Noël. Non. Non. Ah non, ça, excuse-moi, c'est la boîte à proutes ça. Nicolas, bonjour, je m'appelle Evan, t'es en direct sur Fun Radio. Est-ce que tu sais pourquoi je t'appelle? Oui, parce que c'est mon anniversaire aujourd'hui. Et t'as quel âge, Nicolas? J'aurai 6 ans. Un an de moins que Justine. Tu auras 6 ans dans la journée. Et donc 6 ans, hein, c'est important pour un enfant. C'est une étape où on commence un petit peu à savoir écrire, on commence un petit peu à savoir parler. À cet âge-là, j'avais déjà appris à fumer. Non, tu peux pas dire ça, dis pardon. Pardon, non. Désolé. Et Nicolas, si tu connais un petit peu l'émission, je vais te souhaiter un bon anniversaire. Alors, il y a qui? Il y a de la part de ta tante Prudence et de la part de ton papa Olivier qui te souhaite un bon anniversaire. Et il y a une tradition dans l'émission, on va voir si tu la connais. C'est ton cadeau. Ton cadeau pour ton anniversaire, c'est ton gros mot. Quel est ton gros mot préféré, Nicolas? Je sais trouver. La violence! Oh la violence! C'était un petit peu foufou, hein! Toute ma vie, on m'a sauté chez cette trou, j'ai détesté ça! J'adore! Nicolas, on l'applaudit bien fort, il fait son anniversaire en direct ce matin sur Fun Radio! Ouais, trop drôle! Nicolas, je te fais un gros bisou, à bientôt, mon chouchou! Evan et la tribu, 6h, 9h sur Fun Radio! Tu boca, yo quiero acabar todos esos besos que te quiero dar. A mí no me importa que duermas con él, porque sé que sueñas con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Si te vas, yo también me voy. Si me das, yo también te doy mi amor. Bailamos hasta la 10, hasta que duelan los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te duelen los pies. Con él te duele el corazón y conmigo te yo te haré acabar ese sufrimiento que te hace llorar. A mí no me importa que vivas con él, porque sé que mueres con poderme ver. Mujer, ¿qué vas a hacer? Decídete pa' ver si te quedas o te vas. Si no, no me busques más. Yo quiero caray. Ese sufrimiento. Ese sufrimiento. Que te hace llorar. Y que te hace llorar. Rochelle, dans un instant sur Fun Radio. Il est 6h24, nous sommes le jeudi 23 juin et la Belgique a la gueule de bois, mais pour des bonnes raisons ce matin, ça fait plaisir. Bonjour. Dans quelques instants, on va lire vos petits messages. Vous nous les balancez par SMS, également sur le Facebook de l'émission. Evan est attribué sur le Snapchat. Il y a Justine qui va vous lire. Et surtout, Justine, une fois que tu auras ouvert le Snapchat, j'aimerais vraiment que tu prennes une photo de toi pour montrer l'état de ta tête ce matin. Elle s'est couchée, la petite figoulette, à 3h du matin. Et pour vous dire, elle n'est pas très fraîche. Et je suis à 2 mètres d'ici, 2 mètres d'elle. Je suis totalement bourré. Et ce recalide du jambon qui ne boit pas d'alcool, et en plus ce qui fait la période de ramadan, il est aussi là, à quoi, 50 cm de la petite, il y a déjà 2 grammes. Ah bah oui, c'est ça. Je peux même plus conduire maintenant, merci. Tout oxygène est englouti par la Justine, et tout ce qui recrache et raccroché de la Justine est fortement alcoolisé. Ne mettez pas un briquet près de sa bouche. Voici l'horoscope de l'amour et de l'amitié avec les béliers, Justine. Encore une journée durant laquelle tout ou presque devrait vous réussir. Oh, cette voix. Oh là là. Les taux. Vous saurez vous montrer philosophe, mais aussi de très bons conseils pour les autres. Gémeaux. Il vous sera très difficile d'avancer dans vos propres projets personnels. J'invente des mots. Cancer. Votre couple se porte à merveille, votre conjoint vous comble de bonheur. Les lions. Vous devriez vous ménager un peu plus, le stress est trop présent. Ah bah pas pour toi hein, ce matin. Hein. Vierge. Vous aurez beaucoup de créativité, cela sera récompensé au travail. Balance. Vous devriez réviser un peu vos positions actuelles. Réviser, c'est ça, ou refuser? Réviser ou refuser? Réviser. Bah, je lis très bien. Les scorpions. Vous saurez vous faire entendre et convaincre tout votre entourage. Entourage, ouais, c'est génial ça. Courage hein, pour l'horoscope, il est bientôt fini. Les sagittaires. Ce n'est pas trop le moment de prendre des risques importants financièrement. Capricorne. Et surtout ne changez rien maintenant, votre cap c'est le bon. Verseau. Attendez demain si vous avez une décision importante à prendre. Et on termine avec les poissons. Vous avez plutôt intérêt à vous rediriger vers des occupations qui vous plaisent. Bon, Justine, ce matin, vous l'entendez, elle peine un petit peu. Elle s'est couchée à 3h du matin. Il faut absolument, Khalid, que tu prennes une petite photo, qu'on fasse partager ce moment de solitude, cette testasse ce matin de la Justine. 6h26, allez, le son de Rochelle arrive tout de suite. L'horoscope. Écoutez. Ça s'est passé dans la Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Allô? Allô? Bonjour, comment tu t'appelles? Bonjour. Une demoiselle. Je m'appelle Mégane. Mégane? Tu as quel âge, Mégane? Comme la voiture, 5 ans, 2000 km. La Happy Hour avec Audrey, du lundi au vendredi, 17h-20h sur Fun Radio. Pour moi, le match ne commence pas avec... Non, t'as raison, et il ne commence pas non plus avec...

À tes souhaits, 6h32 sur Fun Radio. Bonjour à vous, c'est Evan, c'est la tribu. En mode, on n'est qu'à moitié ce matin. Hein. Je vous rappelle la situation, je vous rappelle les faits. Hein. On a d'ailleurs des enquêtes de police qui sont en cours. Sandro à l'AREA était éteint à 5h29. Genre, j'ai la tête qui tourne, je me sens pas très bien. Prétexte à la con pour dire simplement qu'il a du mal à se réveiller ce matin après une cuite prise sans doute hier en regardant le match. Mais je le comprends puisqu'on a gagné. Ensuite, nous avons Justine qui est arrivée péniblement à 6h02 avec 8,3 g ce matin. Si vous avez loupé l'horoscope tout à l'heure, c'était juste du pur bonheur. L'horoscope pochetron ce matin, hein, c'est ça. Khalid est en mode ramadan. Bon, alors on lui est obligé de lui mettre des perfusions dans le cul parce qu'il n'arrive plus à avancer. Parce qu'évidemment, il ne bouffe pas de la journée, il est en activité. Donc, monsieur, la tête qui tourne. Ouais, je me déplace en Baxter tout le temps. Tu vois. Yolande, pas de nouvelles. Jean-François, notre journaliste, c'est la première fois qu'on a mais zéro nouvelle. C'est pas genre, je suis en retard, je vais arriver tout à l'heure. C'est que il est sur répondeur. Alors, je pense que. Attends, c'était quoi l'endroit où ils ont regardé le match hier? Montigny-le-Tilleul. Alors, si vous êtes du côté de Montigny-le-Tilleul, je vais m'adresser à l'ensemble des Carolos qui connaissent très bien Jean-François Servaise, notre journaliste, qui est lui-même à Carolo et qui est aussi le speaker officiel de Charleroi. S'il vous plaît, aidez-nous ce matin à mener l'enquête pour savoir où il est. Parce que moi, je pense qu'il est dans des canettes de Jupiler vide par terre sur une pelouse. Moi, je soupçonne qu'il est sur le rond-point du marsupilami. Là. Il est en train d'essayer de lui faire l'amour. Mais il tourne. Soit il fait l'amour au marsupilami, soit en fait il tourne autour du rond-point, il tourne sur lui-même. Voilà, donc si vous avez des infos, le Snapchat de l'émission est là, Evan et la tribu, vous avez également le Facebook de l'émission, et vous avez le numéro du standard 02 851 4x0. C'est Justine qui peut vous répondre directement ce matin. Alors je vais vous faire écouter un moment d'hier soir, là c'est important, c'était de la place où était Justine. Rappelle-nous à quel endroit tu étais pour regarder le match, chez combien de personnes d'ailleurs environ? À Stockel, place du Mont, mais alors combien de personnes, j'en sais rien du tout. Trop. C'est énorme. Alors je vous fais écouter un extrait de ce qui s'est passé hier si vous n'y étiez pas. C'est au moment du but, c'est juste un pur moment de communion. Alors voilà, là. Rien ne se passe, d'un seul coup le but, et écoutez cette ambiance de taré hier soir. C'est un concert de Johnny ou quoi? Et là il y a eu du pom pom pom pom pom. Voilà, Justine y était, c'est ce qu'elle a vécu hier. Une vraie communion humaine, et en plus il n'y a pas eu d'incident. Ah non, rien du tout. Ah, génial. Écoutez les gens à côté. Vas-y, décroche Justine, il y a quelqu'un qui t'appelle, c'est peut-être Jean-François, on a peut-être des infos de notre enquêteur. Voilà ce qui s'est passé hier soir, c'était... Écoutez les gens. Moi j'ai les poils qui se hérissent des bras. Moi c'est pas les poils. C'est génial. C'était hier soir à Bruxelles, une ambiance de dingue qu'on vous fera écouter plusieurs fois dans la journée, tellement on est content ce matin. Quel bonheur, quelle fête le football. Justine. Alerte info, j'ai Benoît de Rosly au téléphone qui nous dit qu'il vient de passer devant le rond-point du Marsupilami et Jean-François n'y est toujours pas. Voilà. Voici, vous êtes Carlo, on cherche Jean-François ce matin, si vous avez des infos à nous donner, SMS 3044 sur le Facebook de l'émission également. Voilà pour cette ambiance de fou hier, 02 851 4x0, si vous pouvez nous donner des infos sur notre camarade Jean-François. Dans un instant, on va lire tous vos messages, dites-nous quelle température vous avez ce matin, notamment chez vous. Moi, j'ai remarqué, c'était la première fois que je voyais, à 5h30 ce matin en prenant la voiture, il faisait 21 degrés le matin. Quelle température fait-il chez vous? Où vous êtes? Dites-le nous. SMS 3044 et sur le Facebook de l'émission. Il y aura également la phrase Facebook de Sœur Khalid du Jambon, juste après le son Dance Floor d'Alesso et Nico Evans. I Wanna Know sur Fun Radio. Signs, and I see other guys. Victoire de la Belgique à 6h40 sur Fun Radio. Merci d'être là ce matin. La Wallonie est heureuse, le Grand Bruxelles est heureux, la Belgique est heureuse et a communié hier soir. Et nous nous sommes là ce matin amputés de la moitié de l'équipe qui n'a pas réussi à survivre après le match d'hier pour des raisons de teuf, de corps et de, simplement de capacité à survivre après ça. Hailey Goulding dans un instant pour le son Dance Floor. Justine, on va lire les messages qui sont arrivés sur le Snapchat de l'émission. As-tu mis ta testasse, ta petite photo là en mode 3D? Ouais. Et je suis pas belle, hein. Ça fait pas le but, hein, toute façon. On voit que mes cernes. On voit ça et des bouteilles de bière derrière. Qu'est-ce qu'on nous dit sur le Snapchat de l'émission, Doudou? Alors, Brian qui nous montre son nouveau tatou. En fait, je l'ai lu en direct. Hein, vas-y. Tous Adri dit vive les Belges avec des drapeaux encore dessinés sur ses joues. Caillouchou, on met le feu ce soir. Bah, ça, c'était hier, en fait, simplement. Maud nous dit à la couleur de la Belgique encore aujourd'hui avec une veste de tailleur rouge. Et puis, Mick nous dit. T'as qu'un connard, Evan. Merci. Ah ouais. Voilà. Ça, vous savez que depuis hier, on a fait ce petit jeu hier à 7h15. Je voulais vous le rediffuser ce matin, mais Sandro, notre réalisateur, étant un petit peu malade, malheureusement, on n'a pas pu avoir la séquence. On a fait un jeu où vous deviez nous appeler au 02 851 4x0. On décrochait en direct et dès que je décrochais, il fallait dire t'es qu'un connard. C'est parce que nous, dans l'équipe, c'est affectueux. Hein. C'est oui. Khalid, je t'aime bien, mais t'es qu'un connard. T'es qu'un connard. Qu'est-ce qu'on nous dit sur les SMS par rapport aux températures qu'il y a un peu partout ce matin? 20 degrés sur Bruxelles, c'est signé Isa. Fred nous annonce 21 degrés. Du côté de Mons, Junior nous signale 18 degrés à Tournai et alors 19 petits degrés sur Arlon. Merci à toi, Gianna. Voici la phrase Facebook du jour, Khalid. Hier, j'ai vu deux aveugles en train de se battre dans la rue. J'ai crié « Je parie sur celui qui a le couteau !» Ils sont tous les deux partis en courant. Proximus présente Full Control. Parce que même ceux qui pensent gérer à mort... Ah non, ce soir, je ramène pas de mec chez moi. Abuse parfois un peu. Tu veux du lait dans ton café, Nico? Et toi, Alex? C'est Alex, hein? Alors Proximus lance un nouvel abonnement GSM, Full Control. C'est tous les avantages d'un abonnement, mais sans jamais dépasser ton budget. Info sur proximus.be/full control. Proximus, infiniment proche. Ouvrez la bouche et dites « Ah ». Bougez les yeux. Et toussez maintenant. Vous êtes en pleine forme. Un petit bonbon. En ce moment, le réseau Volkswagen, Skoda, Audi et Seat vous offre un check-up d'été gratuit de votre voiture pour des vacances sans souci ou pour la revendre au meilleur prix. Conditions et concessionnaires participants sur checkupete.be. Bonjour, pompe numéro 9 s'il vous plaît. Alors, au total, ça vous fera un maillot de cycliste, des sacoches et un vélo trek. Ah oui? Super! Faites un plein de 25 litres ou plus dans une station SO ou SO Express participante pour avoir la chance de gagner de fantastiques équipements cyclistes et des vélos. Rentrez le code indiqué sur votre ticket de caisse sur so.be/fr/cycling, soumis à condition. Salut Julie, allez viens monte. Salut! Oh, t'as acheté le nouveau TomTom? Ouais, c'est comme si j'avais ma route privée pour aller au travail. Ah oui? Mais ça fait quoi? Eh ben ça fait... Waouh, je m'étais pas sentie comme ça depuis les années 90. TomTom, prenez goût à la conduite prioritaire. Roulez malin et découvrez le sentiment TomTom chez Vandenborg. Petit déj gratos. Déconne et son dance floor. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. It's our strangest feeling, feeling this way for you. There's something the way you move, something the way you move. With you I'm ever heating, it's heartache through and through. There's something the way you move, I don't know what it is you do. fall. Heart is sinking like a cannonball. Baby, kill it, what you waiting for? Something the way you move, something the way you do it, something the way you move, oh. Something the way you move, something the way you do it, something the way you move, oh. Something the way you move, something the way you do it, something the way you move, oh. Something the way you move, something the way you do it, something the way you move, oh. Avant 7h, Benny Benassi sur Fun Radio avec Chris Brown. Nous jouerons également aux 5 secondes chrono pour jouer avec nous. C'est hyper simple, il suffit de participer par SMS en envoyant le chiffre 5 au 63 22. Et si vous êtes rappelé, vous pourrez repartir avec votre boîte de jeu 5 secondes chrono ce matin. L'équipe est en mode fatiguée. Yolande vient d'arriver. Bonjour Yolande, comment ça va? Ça va bien. T'as couché tard hier soir ou pas? Oui, mais ça va, pas trop tard. Non, mais ça va. T'as assumé quand même. T'es couché vers 19h15. C'est ça. J'ai pas déconné. Bon, on va prendre des nouvelles de ceux et celles qui nous écoutent, vos petits messages ce matin. On a Sophie qui est au téléphone. Salut Soso. Salut Evan, salut toute la tribu. Comment ça va Sophie ce matin? Je suis crevée, j'ai une tête. Oh, pour une fois il fait beau, c'est pas cool. Alors raconte-nous, toi tu nous disais que merci aux supporters qui m'ont empêché de dormir. C'est vrai que ça klaxonnait fortement hier jusqu'à minuit, une heure, etc. Oh, après, moi, minuit, je me suis... une heure et le reste. Et alors tu sais que nous autour de la radio, là on a les fenêtres ouvertes, ça continue. On a encore des personnes qui klaxonnent ce matin à 6h30 là autour de la radio. Et donc toi du coup tu t'es endormie vers quelle heure Sophie? Oh, vers 4h30 du matin, ça a pas arrêté de klaxonner, je suis près du centre de Liège, donc... Ah oui, sans déconner. Et alors, tu l'as regardé où le match? Oh, je l'ai regardé chez moi, tranquillou. Toute seule? Non, avec mon homme et mon fils qui s'est découvert une nouvelle passion. Ah donc, ton fils a découvert le foot, il connaissait pas très bien? Non, il connaissait pas trop, c'était pas son sport, et puis maintenant, ben, il kiffe, alors... Non, c'est vrai qu'il y a vraiment une vague populaire qui était super géniale, on a tous kiffé, ça s'est très bien passé. En tout cas, Sophie, bah, bon courage pour la journée, ça va être long avec les petites heures de sommeil, là. Hein. Bon, c'est pas grave, je vais faire comme Justine. Ouais, comme Matt. C'est ça. Sauf que je sais pas si t'as autant d'alcool qu'elle dans ton corps. Peut-être un peu moins, mais quand même quelques verres. T'as la patate ce matin, t'as la patate dans la bouche. Je t'embrasse Sophie, bon courage ma doudou, je te fais des gros bisous. Bonne journée à vous tous. Merci, bisous Sophie, bisous à ton homme et à ton petit garçon. Salut la tribu, j'aimerais bien vous dire aussi la température sur Bruxelles, mais ma cacahuète ne l'indique pas encore. Mort de rire, elle est trop vieille, c'est Younes de Bruxelles qui nous dit ça. Allez, dans un instant, on va jouer aux 5 secondes chrono juste après Benny Benassi. Avec la voix de Chris Brown et Paradise, c'est le son qui vous réveille ce matin, jeudi 23 juin, c'est Evan, c'est la tribu. Debout tout le monde, bonjour! Écoutez, ça s'est passé dans la libre antenne sur Fun Radio. Au 3044, quelqu'un me demande c'est quoi des films de boules, Vince? Alors, des films de boules. C'est le tirage du loto, mais en 3D. Voilà, c'est le championnat du monde de pétanque. Oui, c'est ça. Oui. Voilà, c'est un film. Ou de curling. C'est une boule un peu plate, hein, quand même. Tous les soirs, dès 20h, c'est libre antenne avec Vince sur Fun Radio. Fun. Votre série inédite ce soir à 21h45 sur Plug RTL, Lost Girl. Pourquoi j'ai le pressentiment qu'on ne va jamais se revoir? T'inquiète pas, je vais revenir. Dans un monde fantastique, choisira-t-elle le bien ou le mal? Si j'assassine le frêne, il y aura une autre chasse à cour ou elle sera nommée automatiquement? Malheureusement, tu choisis le plus mauvais moment. Ce soir, c'est la lune de sang. Je peux entrer en transe et voir l'avenir. Lost Girl, saison 2, ce soir à 21h45. Plug RTL. Le son... Fun. C'est Fun Radio. Fun Radio. I like crashing waves, but I wanna see them at first light after a long night. And see the sky take shape, but I wanna see the stars burn after I had my turn. And oh, you're working so hard. You played your card, supposed to pay off. And oh, big talk is cheap. You gotta go deeper than deep to get me off. If you're picking up my gold, go into your washing machine.

Il est 6h56 sur Fun Radio, le petit déj gratos va arriver aux alentours de 7h05, ça sera donc dans une dizaine de minutes. On sera dans quel coin ce matin, Justine? On sera à Aiguezé. Direction Aiguezé pour le petit déj gratos, on vous donnera l'adresse où vous pourrez aller donc vous faire prendre le petit déj jusqu'à quasi 10h sur Fun Radio. Je rigolais parce que c'est l'expression vous faire prendre le petit déj. C'est pas drôle en soi, mais moi ça me faisait beaucoup rire ce matin. Il y a un message de Mons, bonjour, à Mons il fait 22 degrés et je suis bien fatigué car j'ai fêté les Belges hier et ce matin debout 5h car je suis infirmière et les patients ne peuvent pas attendre. Bonne journée. C'est Or qui nous donne ce message ce matin. Parlez-nous de votre état par SMS sur le Facebook de l'émission, sur le Snapchat. Je dis ça parce que nous, une bonne partie de l'équipe est dans un sale état, et notamment Jean-François, notre journaliste, dont nous n'avons aucune nouvelle. Alors on a quelques carolos qui nous disent, bon, il n'est pas sur le rond-point du Marsupilami, il n'est pas dans le Marsupilami, le Marsupilami n'est pas dans Jean-François. Si vous avez des infos, n'hésitez pas, surtout parce que, faut être honnête, nous sommes très inquiets. Yeah, let's go. 5 secondes chrono. Affrontez Evan et sa tribu. Ariana Grande dans un instant sur Fun Radio et nous avons au téléphone Kevin qui est là du côté de Courcelles. Bonjour mon kéké. Bonjour. Bon, t'as fêté la victoire où ça toi hier? J'ai pas regardé le foot hier au soir. Arrête tes conneries, t'es le seul mec en Wallonie qui a pas regardé le foot hier. Mais non. C'est très grave. Non, c'est pas grave, mais t'as fait quoi du coup? Bon, je regarde un petit peu la télévision hier au soir. Ah ok, et donc là ce matin t'es chez toi, tu conduis ta fille à l'école tout à l'heure, c'est ça? C'est ça, oui. Bon, Kevin, tu vas essayer de remporter la boîte de jeu 5 secondes chrono ce matin, tu veux jouer contre qui? Yolande. Yolande au standard. Alors attention, combat contre Yolande et Kevin avec nos copains de chez Megable pour essayer de remporter ta boîte de jeu 5 secondes chrono. C'est Justine qui est la maîtresse de cérémonie, mais alors la maîtresse fatiguée. Hein. fatiguée. Top, c'est parti, je suis sûr qu'elle va faire des cartes à base de cite-moi 3 bières, cite-moi 3 marques de vodka. Non, c'est Khalid qui les a choisis. Ah bon. Allez. Alors, Khalid. Attention. Non, il s'appelle Kevin. Kevin. Elle est dans un état, la petite, là, c'est plus possible. En moins de 5 secondes, chrono, elle cite 3 manières de ne pas avoir chaud en été. Top. Top. Pas courir. Ouais. Vas-y, t'as encore le temps, vas-y. Vas-y, t'as mis. Boire beaucoup. Ouais. Et. Oh, tranquille. Hein. Et. T'as encore le temps, t'inquiète, ouais, t'inquiète. Vas-y. C'est le 5 minutes chrono, donc ouais. On a le temps. Et Kevin, la dernière, c'est. Ne pas jouer. Oui. Bravo. Quelle rapidité, bravo. Eh bien, il a réussi en moins de 2 minutes à nous balancer les 3 éléments. Donc, un point pour Kevin. Justine? Ouais, tu sais, t'as déjà vu le dessin animé Zootopie? Ouais. Les petits paresseux. Ah, les paresseux, oui, c'est ouais, Kevin. Yolande, est-ce que je peux avoir autant de temps que Kevin? Écoute, toi, tu auras 5 jours chrono, ça va? Merci. Yes. Voici la carte de Yolande. Alors, Yolande, en moins de 5 secondes chrono, cite 3 motifs de carton jaune ou rouge au football. Top. Alors, il y a écraser volontairement la main de quelqu'un. c'est pas 5 secondes. Vas-y, continue. T'as le coup de boule. Ah non, c'est carton rouge. Et t'as quoi la main. T'as joué avec la main. T'as le pied dans les couilles, hein. Aussi. Il y a monté sur les autres. Oui. Non, voilà. Ça, des fois, c'est carton rose. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait? Ça nous fait 3 points marqués par Kevin en 2 minutes chrono. Yolande nous a fait ça en 30 secondes chrono. On va dire que comme je suis de bonne humeur, comme la Belgique a gagné hier soir, eh bien Kevin, puisqu'en plus ta fille va aller à l'école, sera très contente de jouer aux 5 secondes chrono. Tu repars avec ta boîte de jeu, bravo, t'applaudis bien fort. Yes. Bravo, bébé. Félicitations. Je te fais des bisous, Kevin. Raccroche pas, je sors passionnant dans l'antenne qui mettra 2 ou 3 jours pour prendre ton adresse. T'embrasse. Bisous. Salut mon Kevin. Et comment s'appelle ta fille? J'ai oublié de te demander. Léa, on lui fait un gros bisou. Elle a quel âge? 4 ans. Et eh ben tu lui feras un gros bisou de ma part, d'accord? Merci pour elle. Salut Kevin, je t'embrasse. Au revoir. Merci. Au revoir. Mon Kevin, vous voulez jouer avec nous aux 5 secondes chrono? Vous envoyez dès maintenant le chiffre 5 par SMS au 63 22. C'est 1 euro par message envoyé ou reçu. Il est 7h sur Fun Radio, pile poil. On va se faire le son d'Ariana Grande. Et on revient dans un instant avec pas les infos parce que Jean-François n'est toujours pas là. On est un petit peu inquiet, si vous avez des nouvelles, dites-le nous. I'm so into you, I can barely breathe. Il est bien le dernier Ariana Grande sur Fun Radio. Bonjour à vous, c'est Evan, c'est la tribu. Ce matin en mode l'équipe est à moitié parce qu'on n'assume pas la suite du match. On a fait trop la teuf. Il est 7h04 sur Fun Radio. Bonjour. Oh bah Raymond aussi il est fatigué. Fun. Fun. Fun Radio. Faire la crêpe ou manger des crêpes. Lâchez-vous, Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. À suivre le son de Soprano, il y aura du Kungs également. Nous allons avoir le petit déj gratos, on sera du côté des Gauzés ce matin. Et puis à gagner votre Pop 4 de chez Alcatel. Un mot sur la météo du jour, puisque Jean-François est aux abonnés absents, c'est Khalid qui s'y colle, bonjour. Et bien dans les prochaines heures, une zone orageuse intense devrait atteindre aux alentours de 8h le sud des provinces de Flandre occidentale, orientale, ainsi que l'ouest du Hainaut. Le sud du sillon sombre et Meuse pourrait recevoir quelques averses locales et plus faible ailleurs, il fera encore généralement sec, donc prudence à vous. En gros, il va pleuvoir un peu partout, mais de manière très légère. Non mais c'est drôle parce que la manière dont tu fais la météo, je sais pas si t'as encore le texte sous les yeux. Oui. Mais imagine, voilà, tu vas répondre exactement de la même manière quand je vais te poser la question, ok? Oui. On est à table tous les deux, peinards, entre deux potes, voilà, on boit un petit verre à la terrasse, je te dis, Khalid, il va faire quel temps demain, Khalid? Eh bien, une zone orageuse intense devrait atteindre aux alentours de 8h le sud des provinces de Flandre occidentale et orientale, ainsi que l'ouest du Hainaut. Merci Khalid. Ah, il pleut partout et voilà, puis c'est tout. Voilà, prochaine météo 7h30, tu l'as fait plus nature, comme si on était entre poteaux. Allez, Kungs sur Fun Radio. Soprano, c'est ce qui arrive dans un instant. Je vous explique comment vous allez pouvoir vous faire payer le petit déj gratos ce matin. C'est jeudi, bonjour. Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. Restez connectés avec Fun Radio toute la journée. Are you ready? Rejoignez-nous sur Facebook, Twitter et Instagram. Fun Radio. Fun Radio. Suivez Fun Radio. Le son dance floor. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Il est 7h10 sur Fun Radio. Je m'appelle Evan et tous les matins, je suis avec vous entre 6h et 9h avec toute ma tribu en direct sur Fun Radio. On réveille toute la Belgique ce matin. Une Belgique qui a parfois un peu mal à la tête après avoir fêté le match des Diables qui ont gagné hier soir. Il est 7h11. Debout les doudous. À Bruxelles, lors de ce but qui a véritablement galvanisé la Belgique. Écoutez le son, on y était tous hier soir. Qu'est-ce que ça a fait du bien. 1-0 pour les Belges. Et Zlatan qui a fait la gueule toute la soirée. Ah, il était en mode je fais la gueule, le Zlatan. Hein. C'est normal, attends. Ah, qu'est-ce que ça a fait du bien. C'était son dernier match avec l'équipe de Suède. Mais ouais. Tant pis pour sa gueule. Quelle ambiance de taré. Et en plus, vraiment, je tiens à souligner quelque chose d'extraordinaire ce matin. Il n'y a pas eu d'incident. Ça a été bon enfant, comme doit l'être d'ailleurs la fête du foot dans ces cas-là. Le son que vous entendez, c'était le son hier soir à Bruxelles. Des milliers de supporters qui étaient là à faire la teuf. Et Justine était parmi ces supporters. Ah oui. Et ce matin, elle est dans un état, comment dire... pitoyable. Déplorable. Fatigué, elle s'est couchée à 3h du matin. Oh. Alors, dans les absents, on a donc Sandro ce matin à l'AREA qui n'a pas su se lever parce que trop fatigué également. Et Jean-François, mais qu'on a normalement au téléphone. Allô mon Jeff. Bonjour Evan. Salut mon doudou. Ça va? Bah non, ça va pas. Je me suis loupé une fois sur la saison. On arrive à la fin de la saison et c'est aujourd'hui comme, quoi. Voilà. Comme tu dis souvent, blaireau. Ouais, non. De toute façon, t'es qu'un connard. Ouais, ça c'est vrai aussi. C'est vrai aussi. C'est vrai. Bon, alors, non, mais on était inquiet parce qu'il paraît que t'étais déjà bien flingué dans la happy hour hier après-midi. Que tu commençais à être un peu fatigué, donc on s'est dit bon, il a dû faire la teuf jusqu'au bout de la nuit. Non, c'est juste que t'as loupé ton réveil ou que t'es encore un peu fatigué d'hier? Non, j'ai vraiment loupé mon réveil. Je suis vraiment, je suis dégoûté là. Je viens de me lever il y a 5 minutes. Ah, ça fait mal aux fesses hein, quand tu te rends compte qu'il est 7h13, que t'es à 40 minutes du boulot, que t'as pas préparé ton flash et qu'on est à l'antenne depuis 6h. Hein, mon doudou, ça fait mal aux fesses. Ouais, ça fait mal aux fesses. Bon, enfin, la victoire était géniale. T'as écouté les sons que j'ai passé là, extrait de. Ouais. J'ai écouté, c'était extraordinaire. Bon, il y a Justine qui voulait te dire quelque chose. Justine. Mais non, mais en fait, on t'a laissé un message vocal. Je sais pas si tu l'as déjà écouté. Bon, il dure 7 minutes. Bah non. Il dure 7 minutes. Non, mais voilà, en tout cas, tu nous manques. Pas du tout. Mytho. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Tu viens ou finalement tu te recouches? Non, je peux très vite me relever, à mon avis, être là pour le flash à 8h. Mais bon, non, avec les bouchons, tu rêves, mec. Hein, le boss va être fâché, à mon avis. Faut utiliser Waze, comme je t'ai appris, et tu évites tous les bouchons et t'arrives vite. Bon, à tout de suite, Jean-François. Je t'embrasse, mon doudou. Ouais. Il a tout donné pour cette dernière phrase. Avant 7h30, il y aura le son de Soprano sur la radio. Pour le diable, ça bille plus en panne. Il y aura Imani aussi. Et le son de Rizza. Je m'en fous. Vous allez pouvoir gagner votre Pop 4 de chez Alcatel, comme tous les matins entre 6h et 9h. Petit bijou de technologie, le dernier GSM qu'on vous offre pour ça. Il suffit de jouer dès maintenant et je rappelle chez vous dans 5 minutes. Vous envoyez le code POP suivi de vos coordonnées. Vous envoyez le tout au 6322, c'est 1€ par message. Bonjour, est-ce que je suis le seul à n'avoir rien à caler du foot? Je me sens seul au monde. C'est Jojo qui nous dit ça. Bisous, connard et la tribu. Jojo, t'es qu'un connard. Non, je pense que t'es pas le seul. Il y a forcément une partie de la population qui n'a rien à faire du foot. Et moi-même qui ne suis pas du tout fouteux dans l'esprit, dans l'âme et dans la passion. J'avoue que le fait que tout le monde soit réuni autour d'un seul et même pays, et ben moi ça me fait kiffer. C'est pour ça que je suis toujours ces grandes compétitions là comme l'Euro ou comme la Coupe du Monde. Mais je comprends que le foot ça vous gonfle et voilà, on va pas faire non plus toute l'émission sur le foot. Quoique, moi je n'ai pas vu le match parce que je travaillais, j'ai su qu'on avait gagné avec les klaxons, lol. Voilà seulement que je rentre et vous me tenez réveillé sur la route tous les matins. Merci beaucoup, c'est pas signé le message, ça termine par 53, on te fait des gros bisous. Petit déj gratos sur Fun Radio. Olivier

7h20 sur Fun Radio. Je vous ai calé le son de Matin avec Café Del Mar 2016. Sur Fun Radio, nous parlerons tout à l'heure d'un commentateur islandais qui, hier, en voyant son équipe gagner avec un attaquant qui est allé tout seul face au but avec deux autres joueurs de la défense, il a réussi à marquer. Et ce commentateur islandais ne s'en est pas remis. Vous entendrez ce moment de radio qui est assez extraordinaire. Allez, on va vous offrir maintenant le Pop 4 de chez Alcatel, mis en jeu tous les jours entre 6h et 9h jusqu'à demain inclus. Vous êtes inscrit en envoyant POP, POP par SMS au 6322, c'est 1€ par message. Je vais appeler chez vous maintenant. Je fais sonner, si vous décrochez, c'est gagné. Il y a quelqu'un, c'est pas signé, qui me dit ah si, c'est Yves, Yves de Bruxelles. Salut les connards et les connasses. Evan, est-ce que tu peux passer Bailard de Deoro pour la victoire des Belges? Je vais regarder si je peux te passer ça avant 9h. C'est quelle heure, quelle heure? T'as pas l'heure? Non. Ah bon. Et allô? Oui, bonjour, quel est ton prénom? C'est Roger. Bonjour Roger, ça va bien ce matin? Oui, bien, merci. Le qui le boulot, pas gueuler quoi. Mais les enfants qui dorment, papa, papa, papa. Roger, quelle est la seule et unique radio qui va t'offrir ton Pop 4 de chez Alcatel? Fun Radio. C'est gagné. Merci. Félicitations mon Roger, le téléphone dernière génération de chez Alcatel, le Pop 4, il est pour toi, tu repars avec ce matin, félicitations. T'as regardé le match où hier? Chez moi. Chez toi, tranquillement, en famille? Voilà, oui, tout à bon, fait. Bon, t'as profité, exactement, t'as fait boire un peu de bière aux enfants, c'est bien. Roger, raccroche pas, je te repasse Yolande en antenne du côté du standard, elle va prendre ton adresse et on remet ça tout à l'heure à 8h15. Pour vous inscrire, écoutez comment ça se passe. Vous envoyez le code POP, POP, suivi de vos coordonnées, vous envoyez le tout au 6322, c'est 1€ par message. Allez, dans une dizaine de minutes, on écoutera ce commentateur islandais totalement hystérique après que son équipe ait pu jouer. Ils ont seulement 100 joueurs professionnels chez eux. Voici le son de Matène. 5 sur Fun Radio, nous sommes jeudi, bon réveil tout le monde, merci d'être là. On salue ceux qui sont à Warheim ce matin, du côté de Verviers, du côté de Tournai, à Sambreville, à Namur, à Hatte et à Mons. Et pour le petit déj gratos, rappelle-nous où nous sommes, Justine, ce matin. Nous sommes à Aiguezé, vous allez chausser de Namur au numéro 32, c'est la pâtisserie Olivier Maty. Et Olivier vous attend pour vous offrir un pain au chocolat ou un croissant par personne. L'adresse est sur le Facebook de l'émission Evan et la Tribu. Je vous ai calé le son d'Imani, il y aura du Fabien Feyesh tout à l'heure. On est en ambiance ce matin avec ces sons que nous avons récupérés hier depuis Bruxelles pendant le match. Justine qui a pris deux aspirines, qui a mal à la tête, ça y est, ça commence un petit peu. C'est normal, elle s'est couchée à 3h du matin. Oh quel bordel, quel pied. Je voudrais vous parler ce matin sur Fun Radio d'un jeune garçon qui a 18 ans et qui en fait a découvert une faille à la SNCF. Vous savez, la SNCF c'est l'équivalent de la SNCB en France. Et alors figurez-vous qu'il a découvert que grâce à l'application SNCF, il pouvait prendre un billet de train, faire le trajet, et que se passe-t-il après? Une petite idée, toi tu connais l'info? Oui, je connais l'info. Elle est géniale, elle est géniale. Yolande, tu la connais? Non, il peut faire le retour. Le retour, alors c'est pas loin Justine. Bah, il peut en quelque sorte annuler le billet pour pas payer. Alors oui, et qu'est-ce qui se passe ensuite? J'en sais rien. Il est remboursé? Exactement, ouais. Exactement, c'est ce qui se passe, il a découvert ça. En fait, que l'application, il pouvait faire le trajet. Grâce à l'application, il pouvait annuler son billet et derrière se faire rembourser. Et donc du coup, pendant un mois, il s'est amusé à faire des petits trajets, des grands trajets. Et alors là où ça va plus loin, c'est qu'il a prévenu les gens de la SNCF en leur disant voilà, votre application elle merde. Il a été honnête, il a dit vous avez un bug dans votre application. Moi non plus je l'aurais pas fait. Et donc son honnêteté n'a pas payé, parce que la SNCF lui a juste envoyé un petit carton de goodies et une lettre de remerciement et rien d'autre. C'est-à-dire même pas des bons pour voyager, etc. Et c'est toute l'histoire de cette info, c'est juste quand même un petit peu des enfoirés sur ce coup-là. Ouais, énorme. Alors que le mec a quand même réussi à montrer qu'il y avait un bug et qu'il a quasiment réussi à le corriger, parce que sinon ils auraient pu continuer à se faire comme ça rembourser des trajets. Il est 7h26, à suivre le commentateur islandais totalement hystérique après un but. Et puis pour le son dance floor, c'est Imani maintenant sur Fun Radio. Comment bien manger quand on est gourmand d'été? Alors là je vois pas. Ah, à moins de manger le soleil. Eh bien chez Deleuze, c'est ce que vous allez faire, en savourant nos délicieuses pêches et nectarines, plein de vitamines pour ces fruits cueillis juste à maturité, et donc bien juteux et plein de saveurs. Tout comme la super promo. Exact. Jusqu'au 29 juin, il y a 25% de réduction sur les pêches et les nectarines en vrac. Deleuze, bien acheté, bien mangé. Et quel que soit le temps, grâce à Deleuze, on est toujours partant pour déguster une délicieuse viande pour barbecue. Couleur café, il y en a qui aiment et d'autres qui adorent. Oh, c'est tellement plus qu'un festival. C'est un festival qui me va trop bien. C'est tellement fort. Et puis le soleil, les gens, tout ça. Non, c'est cette pudeur dans l'art. J'adore l'humanitaire en fait. Qu'est-ce que tu racontes? Quelle que soit la raison qui vous amène à Couleur café, la STIB vous ramène gratuitement. Bruxelles, c'est nous tous, la STIB. Fun Radio. Fun Radio. Miroir, dis-moi qui est le plus beau, quitte à devenir mégalo. Viens donc chatouiller mon ego. Allez, allez, allez. Laisse-moi entrer dans ta matrice, goûter à tes délices. Personne ne peut m'en dissuader. Allez, allez, allez. Je ferai tout pour t'accompagner. Tellement je suis borné. Je suis bien dans ma bulle. Allez, allez, allez. Tout est beau, tout est rose. Tant que je l'impose. Dis-moi qui est le plus beau. Allez, allez, allez. Miroir, qu'a-t-on tu fait de ma tête? Cette transformation malhonnête, ce n'est pas ce que j'ai demandé. Allez, allez, allez. son dance floor et de la déconne. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my heat in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right. I drown myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And my soul got, oh, yeah, so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Dans un instant avec Je m'en fous à 7h45 sur Fun Radio, ça sera Fabien Fayèche comme chaque matin. Et comme ce sont les deux dernières semaines avant les vacances officielles, chaque matin on passe le meilleur de Fabien Fayèche. C'est vous qui pouvez choisir, soit par SMS directement nous appelons au 02 851 4x0, et ce sera le choix de Yolande tout à l'heure au standard dans un peu plus d'un quart d'heure. On parlait tout à l'heure de ce jeune garçon qui a découvert un bug dans l'application SNCF qui permettait de le faire un trajet puis de se faire rembourser, donc de gagner quasiment de l'argent tout en voyageant. Il y a quelqu'un qui me dit qu'elle boulait ce français, quand tu trouves une astuce en or, tu la fais partager à tes potes et pas un crevard de PDG milliardaire. La preuve que l'honnêteté ne paye pas avec les crevards, il n'y a rien. Il n'a rien reçu en remerciement. Je rappelle que pour avoir signalé à SNCF qu'il y avait un bug dans l'application, le mec il a eu juste des goodies SNCF, dont t'as rien à faire, je pense, un bic, et une petite lettre de remerciement. On a eu un jeune garçon qui a 11 ans, Yolande, il était au standard. Qu'est-ce qu'il voulait, le doudou? Il voulait faire un big up à toute la tribu, et puis aussi il voulait écouter le son des casseurs flotteurs, Regarde-moi. Alors c'est vrai qu'avec les températures et la chaleur, c'est vraiment un morceau qui va bien avec. On va juste écouter un petit extrait pour se faire kiffer ce matin. La poussière de place. Regarde comme il fait beau. Ouais. C'est l'heure pour alléger. Je vois pas les trucs. Regarde comme il fait chaud. Ça reste en tête, ça. Hein. Non. Regarde comme il fait beau. Pour Louis, 11 ans ce matin, cet extrait des casseurs flotteurs. C'est à l'intérieur, je crois. Dédicace à Louis, à vous toutes, vous tous. D'ailleurs, qui vous levez ce matin, la Belgique a gagné et on est super heureux. Justine a beaucoup de mal, elle est en train de s'éteindre de plus en plus. Non. Mais aspirine, ça fait effet. Tu sais ce que je fais? Dis-moi. En fait, je suis en train de lire le déroulé du match d'hier, parce qu'au final, je l'ai pas tellement vu. Oh. Et donc, je regarde un peu les actions, ce qui s'est passé ou pas. Ma meuf, elle voit le résumé après. c'est quoi? Elle regarde un match mais par écrit. C'est quoi cette histoire? Dingo. Allez, Ritza, dans un instant sur Fun. Fun Radio. Fun. Fun Radio. Soutenir les Belges à la piscine. Allez Kevin. Ou soutenir votre enfant au mini-club. Allez Kevin. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute. La météo, Khalid, pour aujourd'hui, je pense que l'été va continuer, il s'est bien installé hier, est-ce qu'aujourd'hui ça va continuer comme ça? Disons qu'aujourd'hui, temps lourd et orageux, localement des orages violents, maxima de 29 degrés dans le centre, donc tout va bien. Une bonne nouvelle avec des températures et peut-être malheureusement des orages, hein. Ouais. Quand il fait chaud d'un seul coup, ça c'est la mauvaise nouvelle. Hein. Ouais. Fun Radio. Taré comme jamais, tous les matins, 6h-9h, Evan et la tribu sur Fun Radio. Juste derrière le son de Ritza sur Fun Radio, je vous fais découvrir un commentateur islandais hystérique pendant le match de son équipe. Je me lance, je m'en fiche de ce que les gens pensent, ces regards qu'on me lance, désormais je m'en fous. Et j'avance, tant pis si cela t'offense, ton avis n'a pas de sens, aujourd'hui je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Je m'en fous. Arrête, tu sais plus rien ne me blesse. Tu perds ton temps, tu me testes. Mais moi, je m'en fous. Et au fait, non, je ne retourne pas ma veste. Que tu partes ou tu restes, finalement. Je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Je m'en fous. Je m'en fous, laisse-moi va faire un tour. J'entends plus, je fais le sourd. Je m'en fous, je m'en fous, je m'en fous. Laisse-moi va faire un tour. Pourquoi tu me tournes autour? Laisse-moi faire mes affaires, je te laisse faire des efforts. Quitte à tout foutre en l'air, ouais au fond. Je m'en fous, rien à faire. Tu as raison, oui j'ai tort. Moi je préfère me taire, ouais au fond. Je m'en fous. Et toi Raymond? Visiblement pas lui, le coq est avec nous un peu fatigué ce matin. Il y a 1-0 pour la Belgique ce matin, on est tous en... 7h38 sur Fun Radio, Jonas Blue arrive dans quelques instants, 7h45 ce sera Fabien Feyesh. Et il y a tous vos messages qui débarquent à tout moment, vous pouvez débarquer sur l'antenne en appelant le 02 851 4x0. Alors évidemment on vit foot, beaucoup foot, il y en a plein qui s'en foutent complètement du foot. Mais ce matin, je ne peux pas m'empêcher de passer à côté d'un commentateur islandais. C'était pendant le match Islande-Autriche. Alors il y a une particularité, c'est que l'Islande c'est un tout petit pays. C'est combien d'habitants en Islande? Ils sont 3 je crois, non? Ils sont 3 exactement. Il y en a un qui est décédé hier, ils sont plus que 2. Le commentateur et le joueur de foot qu'on va entendre. Mais ils sont 360 000, donc c'est très très peu. Et pour 360 000 habitants en Islande, il n'y a que 100 joueurs professionnels du côté du foot. Et donc le commentateur islandais va à un moment exercer son talent, son art, en commentant une action d'un attaquant islandais qui fait face à 2 Autrichiens et qui va marquer le but de la victoire, ce qui fait que ça qualifie, c'est historique, l'Islande. Je vous propose d'écouter le commentateur islandais. Alors on comprend pas ce qu'il dit, mais on va comprendre qu'il est heureux. C'est parti, attention. Topi, Theodor Elmar, er ett ett och det är Vattelvik, 4-2, Emmy, Farina Tein, Farina Tein, Emmy, ja, ja, ja!

46 sur Fun Radio avant 8h. Il y aura le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Jean-François. Il y a 70€ dans la cagnotte pour découvrir ce qu'il y a dans la boîte. Rendez-vous avec le rappel des indices dans moins de 10 minutes. Les enfants, on va se faire dans un instant le son de Calvin Harris avec Rihanna. Vous avez demandé du Deoro, ça va arriver entre 8h et 8h30 sur Fun Radio dans quelques instants. Bougez pas, nous sommes jeudi, bon réveil. Fabien Fayèche. Les deux dernières semaines avant les vacances d'été 2016, avant que nous partions du côté du soleil, lézarder tranquillement. Et on passe les meilleurs moments de Fabien Fayèche, c'est vous qui les choisissez. Et l'équipe aussi choisit, c'est Fabien Fayèche. Aujourd'hui, c'est au tour de Yolande. Yo-yo. Ben, j'ai envie de ramener un petit peu de culture après tout ce foot. Donc je prends le Fabien Fayèche avec Victor Hugo. Il a appelé effectivement quelqu'un qui s'appelle Victor Hugo pour l'aider à un cours de français qui n'arrivait pas à terminer. Fabien Fayèche est tombé sur Victor Hugo. C'est un vieux monsieur qui n'existe plus aujourd'hui. Fabien Fayèche. Allô. Bonjour. Bonjour. Est-ce que je pourrais parler à Victor Hugo s'il vous plaît? De la part de Fabien Fayèche. Fabien Fayèche. Oui. Pour Victor, lequel? Parce qu'il y en a deux. Victor Hugo. Il y a deux Victor Hugo. Ah bon? Oui, il a quel âge? Oh, je sais pas, hein. Il doit avoir au moins 250 piges. Hein. Ah, peut-être c'est mon fils alors, ne quittez pas. Ça doit être votre fils, oui. Allô? Oui, c'est qui là? C'est Victor Hugo? Oui, c'est qui? C'est Fabien Fayèche. Je connais pas moi, qu'est-ce qu'il y a? Bah parce qu'en fait, je suis en train de faire une disserte de français là. Et donc je galère parce que moi j'ai pas eu le temps de lire les Misérables. Donc Ouais mais je m'en fous moi, pourquoi tu m'appelles? Bah justement parce que je me dis comme c'est toi qui l'as écrit, tu peux peut-être me dépanner un peu. C'est moi qui ai écrit quoi? Bah les Misérables, c'est bien écrit par Victor Hugo. Eh tu sais quoi, vas-y arrête de me casser les couilles, c'est bon là maintenant. Allô? Oui, c'est toujours Victor Hugo là? Là, tu me prends pour un con là? Non, mais j'avais une autre question sur les Misérables, je veux savoir. Est-ce que mais Cosette. Mais t'es au truc des Misérables là, t'arrêtes de me prendre la tête? Mais non, mais parce que je voulais savoir, est-ce que Cosette, c'est la fille en fait de Jean Valjean? Parce que comme j'ai pas eu le temps de lire le bouquin. C'est ta mère, Cosette. Cosette, c'est ta mère, voilà. Ma mère, c'est pas Cosette, ma mère, c'est Christiane. Allô? Re-re-coucou? C'est encore vous? Oui, est-ce que c'est possible de parler à Victor Hugo? Oui, c'est la même dame de tout à l'heure. Oh non, hein, je suis pas une dame, hein, je suis un monsieur. Allô? Ouais, Victor Hugo? Putain, mais tu me casses les couilles avec ton truc là, c'est bon maintenant, hein? Mais non, mais parce que moi je dois rendre la dissertation demain, c'est pour ça. Putain, va te foutre une calaille toi et ta disserte là. Va te foutre une quoi? Calaille! Allô? Oui, Victor Hugo? Oh putain, mais va te foutre une calaille toi, je te l'ai dit déjà. Va te foutre une... Oui, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire va te faire foutre, tu comprends? Ah! Va te faire foutre dans ma langue. Ah, je l'ai pas vu ça, c'est quoi? C'est écrit dans le bouquin ça? Ouais, ouais, c'est le nouveau bouquin que je vais écrire sur ta gueule, ouais. Écoutez toute la journée, quand vous voulez, Fabien Fayèche, sur soundcloud.com, en tapant dans le moteur de recherche, Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Tous les soirs, dès 23h, Libertad, l'Open Space, avec Mike, sur Fun Radio. On a entendu ton très joli timbre de voix. Ah super, mais mon timbre de voix est magnifique. Vas-y, fais-moi une petite chanson pour le kiff, là, pour débuter l'émission, Laura. Spider cochon. Il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une toile? Ah ben que non, c'est un cochon. Regarde, Spider cochon est là. Je crois qu'on a trouvé Homer Simpson de Charleroi là. Dans les rencarts ce soir à 23h pour le retour des délires sur Fun Radio. L'Open Space avec Mike. Le soir sur Fun Radio. Comment bien manger quand... On est gourmand d'été. Alors là, je vois pas. Ah, à moins de manger le soleil. Eh bien, chez Deleuze, c'est ce que vous allez faire, en savourant nos délicieuses pêches et nectarines, plein de vitamines pour ces fruits cueillis juste à maturité, et donc bien juteux et plein de saveurs. Tout comme la super promo. Exact. Jusqu'au 29 juin, il y a 25% de réduction sur les pêches et les nectarines en vrac. Deleuze. Bien acheté. Bien mangé. Et quel que soit le temps, grâce à Deleuze, on est toujours partant pour déguster une délicieuse viande pour barbecue. Fun Radio. Fun Radio. Fun. Fun Radio.

what you came for. Lightning strikes every time she moves. Il est 7h56 sur Fun Radio, les infos arrivent à 8h dans un instant. Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, vos messages ce matin 02 851 4x0. Et quelqu'un qui me dit c'est pas signé, salut l'équipe, désolé si des voitures ont des marques rouges, c'est pas moi, c'est mon camion, à cause de la consommation un peu excessive hier. Prudence, il faut pas prendre la route quand vous consommez trop. Je rappelle que ce matin une partie de l'équipe est amputée suite au match et la victoire d'hier. Justine est fatiguée, elle s'est couchée très tard, ouais, Jean-François s'est loupé, Sandro n'est jamais arrivé. Et puis il y a quand même une partie de l'équipe qui est là, Yolande, Justine, Khalid qui pour l'instant survivent à la victoire des Diables hier. Il y a Laura qui nous fait un gros bisou, Alessio également, ceux qui nous disent oh putain les gars c'est reparti, tuche pour la Coupe d'Europe. Plus tu disais quoi? Concernant l'Euro justement, il y a Bettine qui nous avait signalé que hier il y avait également, en parallèle avec le match de la Belgique et contre la Suède, il y avait Italie contre l'Irlande. Ouais. Et le problème c'est que l'Italie a perdu 0-1. Oui. Et à cause de ça la Turquie est éliminée. Ah, on va penser à nos amis ça, turcs. C'est pas alors, de bol. Fini les dorums pour aujourd'hui. Fini les kebabs. Il y a 40 jours de deuil, plus snack. On va se faire avant 8h la chanson du matin, taré comme jamais. Il y a quoi là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Le qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Magali est avec nous, elle est là, du côté d'Anderlu. Bonjour Magali. Bonjour. Magali, bienvenue à toi. On va rappeler quels sont les indices de la boîte pour 70€ ce matin dans la cagnotte. Qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de Jean-François? C'est lui qui a planqué un objet dans une boîte. Il est le seul à savoir ce que c'est. Justine. Alors, on a l'indice plage, on a l'indice jeu, l'indice air. Il peut y avoir parfois de la terre dessus, on sait que c'est rond et que ça roule. Et que ce n'est pas un ballon en caoutchouc pour les raquettes de plage. Magali, pour 70€ ce matin, c'est ce qu'il y a dans la boîte. Quelle est ta proposition de réponse? Alors, ton téléphone est d'une qualité exceptionnelle. Il dit en islandais. Alors, j'ai malheureusement pas compris ta proposition de réponse. Redis-moi ça. Un ballon de foot en cuir. Ah, quand tu parles près de ton cornet, ça va beaucoup mieux, ma doudou. Un ballon de foot en cuir. Jean-François, qui n'a pas pu arriver ce matin dans les studios, est avec nous par téléphone. Jean-François, pour 70€ ce matin dans la cagnotte, proposition de Magali d'Anderlu. Est-ce que c'est un ballon de foot en cuir? Ce n'est malheureusement pas la bonne réponse, mais on s'en rapproche très fort. Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. Magali, tu peux rejouer avec nous quand tu veux, évidemment, puisque tu n'as pas remporté là, les 70€. Si tu as une autre idée, n'hésite pas à nous recontacter et à jouer avec nous, d'accord? D'accord. Je te fais des gros bisous. À bientôt du côté d'Anderlu. Bisous Magali. À bientôt, merci. Merci à toi, merci à vous. Alors si vous voulez participer, si vous avez une idée de ce qu'il y a dans la boîte, écoutez comment jouer. Pour jouer au qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, envoyez Eval, suivi de votre réponse au 6322. Et la cagnotte sera peut-être pour vous. Allez, je rajoute 10€, ça fait 80€. Et demain, 7h55, on vous donnera un nouvel indice. Taré comme jamais, c'est la chanson du matin sur Fun Radio. 5h du mat, le réveil sonne tôt. Et dès 6h, on est dans le studio mal réveillé. Derrière notre micro, un café sans sucre en avant, let's go. C'est la tribu dans l'autoradio. Jusqu'à 9h, bonjour les abdos. Dans les bouchons, c'est plus rigolo. Tu demandes c'est qui, oui, tous ces barjots. De matin en matin, de la couette à la salle de bain. De matin en matin, oui, ça fait du bien. De matin en matin, les rondelles vont te mettre bien. De matin en matin, la tribu, oui, ça fait du bien. Passe avant 9h. Ah oui, parce qu'après, on n'est plus à l'antenne. Hein. On va te payer le petit déj. Du son dance floor, de la déconne, c'est sur Fun Radio pour les leftos et pour te réveiller. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Et nous, jamais, Juju et Justine, Kaka et Khalid, Yo non, c'est pas du tout, c'est une erreur. N'y allez pas. Oh la connerie. Un ordinateur qui balance quelque chose qui n'était pas prévu. Voilà ce qui vient de se passer. 8h sur Fun Radio. Dans un instant, le petit déj gratos, c'est ce qui va arriver. Et puis on vous expliquera également avec Justine comment vous allez pouvoir partir en vacances avec nous au soleil du côté de Bellambra à Seignos. Ce sera dans 5 minutes. Ah, t'es inquiète, Justine. T'étais pas au courant que j'allais lancer le jeu? Non. Eh ben voilà, c'est décidé. Vous allez pouvoir partir l'un ou l'une d'entre vous avec nous la semaine prochaine à Seignos. C'est près de Biarritz, c'est près de la côte atlantique. Si vous n'avez rien prévu et que vous voulez partir en vacances avec nous, on vous expliquera tout dans quelques instants. 8h sur Fun Radio, on fait un tour de l'actu complet maintenant, c'est avec Yolande. Bonjour Yolande. Bonjour Evan, bonjour tout le monde. Salah Abdeslam, seul suspect vivant des attentats terroristes commis à Paris le 13 novembre, a été contrôlé par les gendarmes français durant une demi-heure au lendemain des attaques sur son chemin du retour vers la Belgique. Salah Abdeslam et deux comparses molenbeekois qu'il véhiculait ont été retenus 30 minutes par les gendarmes à Cambrai. Le troisième suspect arrêté à Bruxelles suite aux attentats de Paris a été libéré sous condition par la juge d'instruction. Lazez Abrahami a été suspecté d'avoir également aidé Salah Abdeslam, ce qu'il niait. Il reste inculpé d'associations terroristes et de 132 assassinats terroristes. En France, les syndicats opposés à la loi travail battent finalement le pavé aujourd'hui à Paris au terme d'un bras de fer avec le gouvernement qui a prévenu qu'il ne tolérera aucun débordement après les violences intervenues le 14 juin. Initialement, le défilé parisien n'était pas censé être une date clé de la mobilisation contre le projet de loi dans un contexte d'essoufflement du mouvement lancé début mars. En province, où aucune manifestation n'a été interdite, des cortèges défileront à Rennes, Toulouse, Bordeaux, Lille, Lyon, Grenoble ou Marseille. Chez nous, un tragique accident de la route s'est produit hier soir à Cherques, dans l'entité de Tournai. À l'arrivée des premiers secours, le conducteur était déjà décédé. L'automobiliste qui était seul à bord dans sa voiture a perdu le contrôle de son véhicule, alors qu'un conducteur qui circulait dans l'autre sens a réussi à éviter la voiture qui venait d'effectuer une embardée. Le véhicule en cause a percuté des blocs de pierre avant de terminer sa course folle contre un arbre. Une ambulance, un SMUR et un véhicule de désincarcération ont été dépêchés sur place. À l'arrivée des urgentistes, le chauffeur était déjà décédé. La Belgique s'est qualifiée hier soir pour les huitièmes de finale de l'Euro en s'imposant 1-0 face à la Suède. Les Belges n'avaient à la base besoin que d'un seul point pour assurer leur deuxième place dans le groupe E et ils ont gagné leur match à la grande satisfaction de leurs supporters qui ont fêté cette qualification un peu partout dans le pays. On connaît à présent le tableau complet des huitièmes de finale. Samedi à 15h, la Suisse jouera contre la Pologne. À 18h, la Croatie affrontera le Portugal et à 21h, le Pays de Galles jouera contre l'Irlande du Nord. Dimanche à 15h, ce sera France-Irlande, suivi du match entre Allemagne et la Slovaquie à 18h. La Belgique jouera son huitième de finale dimanche à 21h face à la Hongrie. Il restera deux matchs à jouer lundi prochain avec un certain Italie-Espagne et aussi le match entre l'Angleterre et l'Islande. Et puis on termine ces infos par une belle histoire. Depuis le début de l'Euro, les supporters irlandais ont fait beaucoup parler d'eux et souvent bien. Après qu'un supporter ait abîmé le toit d'une voiture, une dizaine de fans de l'Irlande se sont mis au travail pour tenter de remettre le véhicule en état. Mieux, ils ont également glissé de l'argent à l'intérieur pour que le propriétaire puisse réparer sa voiture. Un très beau geste qui a été apprécié à sa juste valeur. Et les auditeurs, sans déconner, vous êtes vraiment vaches quand vous y mettez, parce que là, il y a quelqu'un qui dit « J'ai l'impression que Yolande lit un livre. Jean-François, où es-tu ?» C'est Cédric qui nous dit ça. Elle est vraiment douée pour faire les infos. Hein. Deux de tension, c'est ce qu'il nous est dit. Yolande, on dirait qu'elle raconte une histoire à un enfant. Voilà ce qui est dit. Alors, il faut être super tolérant, les doudous, parce que je vous explique, en fait, Jean-François s'est loupé ce matin. Donc, on n'avait pas d'infos depuis 6h. Et donc, il a envoyé son flash à Yolande, qui s'est gentiment proposée pour faire l'info. Et elle a vraiment découvert à l'arrache les infos, là, comme ça. Donc, bravo, Yolande. Soyez tolérants, les doudous. Hein. C'est un exercice de style, t'allais. Quelle violence. Les mecs, à la moindre erreur, mais ça taille. Mais ça taille comme pas possible. Oh, Ria va suivre. Tu reviens à 8h30, Yolande. Hein, c'est la bonne nouvelle. Voilà, on va peut-être filer les infos à Justine, mais ça sera encore plus drôle. Fun Radio. Fun. Gym Tonic. Et 1, 2 et 3. Ou Gin Tonic. Lâchez-vous. Neckermann, vous êtes en vacances. Réservez maintenant votre last minute.

l'ambiance à Bruxelles hier soir avec cette foule qui s'est retrouvée, qui était heureuse, tout le monde, hein. Moi j'étais du côté de Rode Saint-Genest jusqu'à 1h du matin, les voitures ont klaxonné ce matin dès 6h encore alors qu'on prenait l'antenne, les voitures klaxonnaient également pour fêter la victoire. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas forcément le foot, mais là, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça fait tellement plaisir de se retrouver avec voilà, cette équipe qui nous a juste donné du bonheur hier soir, et ça fait trop du bien. Vos messages, vous les envoyez sur le Snapchat de l'émission Evan et la tribu, vous avez également le 02 851 4x0 et le Facebook de l'émission. On a aussi il a avalé un poisson cru, c'est incroyable. Vous avez entendu ce qui s'est passé dans ma bouche, c'est très bizarre. On va aussi revenir sur ce commentateur islandais. Je vous rappelle les faits, il jouait contre l'Autriche, oui. Il y avait 4 minutes de prolongation, ils étaient à 1 partout, et en fait d'un seul coup il y a un joueur qui est arrivé, qui a bien crucifié l'Autriche. Écoutez ce commentateur qui est hystérique. Ils ont marqué ça à 3 minutes 30, donc dans les prolongations. Ce peuple islandais, voilà, qu'on soutient à nous aussi, parce que c'est un petit peuple encore plus petit que nous, parce qu'ils sont que 360 000. Et je crois qu'il y a 10% de la population qui est venue soutenir l'équipe d'Islande et qui sont venus en France. Voilà ce commentateur islandais extraordinaire qui a, je pense, repeint totalement sa cabine d'intervention près du stade. Pour la suite du Sundance Floor, il y aura du David Guetta dans un instant, justement. On n'entend pas beaucoup le morceau dans les stades en ce moment. C'est qui? Je vais vous passer également du DJ Snake, c'est le tout dernier qui va débarquer juste avant 8h30. Il y aura Drake aussi. Alors écoutez-moi attentivement, 8h12, nous allons vous offrir maintenant la possibilité de partir en vacances avec nous. Qu'est-ce qui se passe? La semaine prochaine, c'est la dernière semaine avant les vacances, et nous serons toute la semaine en direct d'un club Bellambra qui est à Seignos. Seignos, c'est sur la côte atlantique. En plus, il y a une bonne nouvelle, c'est que vraiment, en tout cas pour le sud-ouest de la France, l'été s'installe sur la durée avec des très très bonnes températures. Que va-t-il se passer? Vous serez hébergés, vous aurez des activités avec nous, vous aurez également, alors Justine, tu m'arrêtes si je raconte des conneries, oui. Vous aurez également le petit déj, la bouffe, c'est tout. Alors c'est une pension complète. Complète, voilà. On est d'accord. Donc vous avez la bouffe qui est payée. Alors le seul truc, on va pas vous mentir, c'est qu'il faudra juste participer pour les frais de transport. Voilà, on part avec un camion Fun Radio et voilà, toute l'équipe. Mais c'est combien vous mettez chacun? J'ai plus. On j'ai met plus combien 200 euros par personne. Non, je déconne. Non. J'ai plus les calculs. Je crois que c'était 1000 euros. 1000 euros par personne. Alors qui vont en tank. Que vous soyez une fille ou un garçon, si vous êtes libre à partir de samedi prochain jusqu'au samedi d'après et que vous avez envie de partir en vacances avec nous, avec toute l'équipe de Fun Radio, il y aura aussi l'équipe de l'Happy Hour l'après-midi. C'est simple, écoutez comment jouer, on fera un tirage au sort parmi toutes les inscriptions. Alors, vous envoyez le code EVAN suivi de votre nom, votre prénom et votre âge, et vous envoyez tout ça au 6322, c'est 1 euro par message. Et on fera le tirage au sort demain en fin d'émission, donc les inscriptions, on les lance dès maintenant. Vous pouvez vous inscrire jusqu'à demain sans aucun problème. Vous pouvez parler autour de vous si vous voulez partir en vacances gratos avec nous, direction le club Bellambra de Seignos. Petit déj gratos sur Fun Radio. J'ai oublié de dire que c'était 1 euro le message pour la participation. Justine, on est où pour le petit déj? On est à Aiguezé, vous allez chausser de Namur au numéro 32. C'est la pâtisserie Olivier Mati. Et Olivier vous offre justement un pain au chocolat ou un croissant par personne. L'adresse, elle est sur le Facebook de l'émission Evan et la tribu. Chaque matin, le petit déj gratos depuis maintenant quasi 2 ans. J'ai pas compté, mais on a dû quand même en servir un sacré paquet de petits déj partout en Belgique. Voici le dernier son de Disney Snake. Voici ton... Touch of your skin, blurring my vision, seeing the same film again. Closer you pull me under the table, sign of how this might end. But if you don't want to hold me, maybe I could change your mind. Cause I'm waiting, hesitating, and there's other ways to leave. Much more to lose.

À suivre avec Martin Solveig et Martin Garrix sur Fun Radio dans un instant. Le festival des Martins. Salut c'est Martin, salut c'est Martin. Bonjour c'est Martin, salut c'est Martin. La nif du jour. Est-ce qu'on a des anniversaires de stars? Ouais, c'est l'anniversaire de Zizou aujourd'hui, qui a 44 ans. Bon anniversaire, mon Zizou. Alors, on va vous offrir dans un instant le Pop 4 de chez Alcatel. On va appeler chez vous dans moins de 10 minutes maintenant. Si vous avez encore le temps de vous inscrire, faites-le dès maintenant, Justine. Vous envoyez le code POP, P-O-P, suivi de vos coordonnées complètes. Vous envoyez le tout au 6322, c'est 1€ par message. Et nous allons appeler quelqu'un pour lui faire la surprise le jour de son anniversaire. D'ailleurs, vous pouvez vous inscrire à tout moment en nous envoyant un mail sur latribu@funradio.be. Nous partons chez une jeune fille, de la part de son petit copain. Quelque chose à se faire pardonner, lui, à tous les coups. Tous les coups. Allô ? Allô ? Po, po, la, po, po, po, po, po, po, la, po, po, po, po. Bonjour, pourrais-je parler à Ashley ? Oui, c'est moi. Bonjour, Ashley, ça va bien ce matin ? Oui. Bon, Ashley, oui. T'as suivi le match hier, Ashley? Oui. Non, pas vraiment. D'accord. Ashley, est-ce que tu sais qui te parle en ce moment? Non, une radio, parce que j'entends une radio derrière. Oui, alors là, c'est pas loin. Alors regarde, c'est ton radio avec un coq. Avec un coq. Fan radio. Exactement. Oui. Ah, oui. Hey, vous avez vu? Nous, on est reconnus au coq, hein, les enfants. Hein. Ashley, je t'appelle pour te souhaiter en direct un très bon anniversaire. C'est aujourd'hui que tu as 25 ans et c'est de la part de Maxime, ton petit copain, qui a pour toi un petit message. Musique de piano, musique de ça va chialer. Qu'est-ce qu'on nous dit, Steph de Mons? Ashley Zognon. Oui. Oh. Oh là là là là là. Écoute le message de ton petit copain. Écoute bien. Tout simplement te dire que je t'aime et que je te souhaite un joyeux anniversaire. La particularité, nous sommes tous les deux agents de voyage. Le voyage, c'est notre passion. Point d'exclamation. Nous nous sommes d'ailleurs rencontrés à Monaco. Fin du message. Et nous sommes roumains. Voilà, je vais pour le message de ton petit copain. Comment il s'appelle ? Maxime. Maxime, bah, tu vas lui faire des gros bisous. Je sais pas s'il est prêt, toi, tu le verras plus tard. Mais en tout cas, voilà, le message est passé. Bon anniversaire, faites bien ça aujourd'hui, merci. Je t'embrasse. Bisous, oui, Ashley. Merci. Au revoir. Bisous, ma doudou. Merci. Non, on arrête avec le piano, s'il vous plaît. Les chiants, le pianiste, il revient tout le temps. Là. Écoutez, ça s'est passé dans la Happy Hour avec Audrey sur Fun Radio. Tiffany, elle nous dit la musique qui va rester, c'est un beau roman. C'est une belle histoire. Non. C'est qui chantait ça? Michel Fugain. Oui, ben qui fugue justement et qui revient pas. La Happy Hour avec Audrey du lundi au vendredi 17h-20h sur Fun Radio. Crème solaire? Check. Enfant? Check. GPS. Je viens juste d'acheter le nouveau TomTom. Allons explorer toutes les routes d'Europe et ça sans frais de roaming. Oh, la route est à nous maintenant. Ah, je me sens comme un tout doudou doudou down. C'est magique, je sens déjà le vent souffler dans mes cheveux. Ok, je remonte la vitre. TomTom, prenez goût à la conduite prioritaire. Rendez-vous chez Krefel et découvrez la sensation TomTom avec l'infotrafic en temps réel. Salut, c'est Maître Gims sur Fun Radio. Fun Radio présente Maître Gims en concert. Samedi 10 décembre, Maître Gims va enflammer la scène de Forêt Nationale à Bruxelles. Le leader de la section d'assaut qui a déjà écoulé plus de 2 millions de disques revient en Belgique pour une date unique. Maître Gims, en concert le 10 décembre à Forêt Nationale avec Fun Radio. Place en vente sur Sherpa.be. Plus d'infos sur funradio.be. La radio de Maître Gims, c'est Fun Radio, le son dance floor. Yo, what up? This is my station. Fun Radio. Fun Radio. The Sun Dance Floor. Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang. Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night. And I won't be long. Gotta do my hair. Put my makeup on. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. Baby, I don't need dollar bills to have fun tonight. I don't need no money. You're more than diamonds, more than gold.

8h38 sur Fun Radio, du son Dance Floor et de la déconne tous les matins. C'est Evan, c'est la tribu. Bienvenue à vous. Bon courage et bon réveil à tous ceux, toutes celles qui se lèvent avec peut-être une petite tête fatiguée et suite à la victoire des Diables hier et aux fêtes qui sont suivies un petit peu partout dans le pays. Ça fait plaisir. Ils rejouent donc, c'est quoi, dimanche, hein, c'est ça? Oui. Dimanche à 21h. Donc dimanche, on a la France plus la Belgique. Hein. Oui. Et l'Allemagne. Et à un moment, on m'a dit hier que si. Enfin, qu'à un moment, finalement, il pouvait y avoir un France-Belgique, quoi. Bah non, je sais pas si en 8e, en quart. C'était si on perdait hier, ouais. Là, du coup, non. Et en quart, on peut les retrouver ou ce sera vraiment qu'en finale maintenant? Alors, en quart, c'est possible si les deux se qualifient. Khalid, c'est oui. Toi le spécialiste oui, sport, moi j'y connais rien. C'est tout à fait possible et je vais même aller jusqu'à dire qu'on pourra rencontrer genre une équipe comme l'Allemagne qu'en finale. Donc, on est tranquille jusque-là. Bon, donc ça donc, court. On a toutes nos chances. Il y a un France-Belgique, moi je suis mal. Hein. Putain, pour savoir qui je vais supporter, ça va être chaud, ça va être chaud les marrons. Ça dépend où tu es, c'est tout. Si t'es en Belgique, tu supportes la Belgique. T'es en France, tu supportes la France. Ouais, pas. C'est pas faux, je serais faux cul. Ouais, comme ça, oui. On l'est tous, t'inquiète. Nous allons vous offrir maintenant votre Pop 4 de chez Alcatel. On vous l'offre toute cette semaine, ce dernier GSM, dernière technologie, petit bijou que vous pouvez rafler tous les matins. Vous avez envoyé Pop par SMS au 6322. C'est 1€ par message. J'appelle maintenant chez vous. Si vous décrochez, c'est gagné. On offre deux téléphones Pop 4 de chez Alcatel tous les matins entre 6h et 9h. Voici le deuxième qui va partir chez vous. Et puis juste derrière, on fera un jeu de l'actu avec Khalid. Il nous donnera des débuts d'infos. On devra trouver la suite, souvent des infos évidemment marrantes qui font plaisir à écouter. Ils nous font penser à autre chose que les petits tracas, les petites merdes du quotidien. Il y en a une sympa pour toi, tu vois. Que pour moi? Oh oui. Ça concerne quoi? Ça concerne. Comment te dire? J'ai peur, on le saura tout à l'heure. Allô, bonjour! Oui, bonjour! Quel est ton prénom? Jérémy, tu habites où, Jérémy? Nivelles. Jérémy de Nivelles. Jérémy de Nivelles. Il est totalement voilà, il est imperturbable, Jérémy de Nivelles. Jérémy, quelle est la seule et unique radio qui t'offre ton Pop 4 de chez Alcatel? Fun Radio. Ouais, ouais, ouais. Bravo mon Jérémy. Ah, je m'entends plus, je sais pas ce que j'ai fait une connerie. Bon, oh regarde. Zut, c'est là que tu l'as raccroché. Ah mon Jérémy, oh 8h40, tu repars avec le Pop 4 de chez Alcatel ce matin. Bravo à toi, passe une belle journée. Et bisous à toutes les, on dit quoi, les Nivellois, les Nivelloises? Oui, Nivellois, oui. C'est ça. C'est ça. Ok, très bien. Mais Jérémy ne veut plus me parler. Je te fais un bisou, Jérémy. Ne raccroche pas, je t'en passe sur leur antenne. On remet ça demain entre 6h et 9h et également cet après-midi entre 17h et 20h chez Audrey. Vous pouvez toujours vous inscrire en envoyant le code POP, POP suivi de vos coordonnées, tout ça au 6322. La suite du son, c'est Juliane Peretta. Et avant 9h, on se fera un jeu de l'actu. Ça va Justine, tu tiens le coup? Ouais, ça va. Menteuse. Non, ça va. Écoutez, ça s'est passé dans la libre antenne sur Fun Radio. Au 3044, quelqu'un me demande c'est quoi des films de boules, Vince? Alors, des films de boules. C'est le tirage du loto, mais en 3D. Voilà, c'est le championnat du monde de pétanque. Oui, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est ou un de film. Curling. Oui, c'est. Ouais, enfin, c'est une boule un peu plate, hein, quand même. Tous les soirs, dès 20h, c'est libre antenne avec Vince sur Fun Radio. Fun. Hola días, garagisto. Mi air conditionas es no funciona. Condicionas? El erco. Sí. Escasos. Ah, erco casos. Yo Miguel. Non, rien. On va se débrouillos. Vous partez bientôt en vacances? En ce moment, le réseau Volkswagen Skoda Audi et Seat vous offre un check-up d'été gratuit pour des vacances sans souci. Conditions et concessionnaires participants sur checkupété.be. Evan et la tribu, 6h-9h sur Fun Radio. Réveillez-vous, comme vous êtes. So hard to think about what we could have been, where love could have taken us. Blame it on the wind and cry, cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of salt water. Cry, cry, you know why. I'm drowning in an ocean of sorrow. come back, would you come back to me, yeah? Come back to me, yeah. Come back to me, yeah. When you're gone, that's why. Avant 9h sur Fun Radio, il y aura le son de l'été, le son d'Evro. Oh, 8h45 sur Fun. Le jeu de l'actu. Le jeu de l'actu sur Fun Radio, vous allez jouer avec nous dans un instant par SMS au 3044, c'est 50 centimes par envoi. Nous allons jouer avec les actus de Khalid. Il nous donne des débuts d'infos et nous devons trouver la suite. Nous avons à peu près 20 secondes à chaque fois. Voici la première actu. Khalid, c'est parti. Et on commence doucement en Grande-Bretagne où Jessica O'Brien a fait une bêtise en postant une annonce pour vendre son canapé. À votre avis, qu'a-t-elle fait? Vas-y Justine. Sur la photo du canapé, il y avait genre toute nue dans le miroir ou un truc comme ça. Ou un truc gênant sur la photo. J'accepte la réponse, c'est une bonne réponse. Jolie, yeah. Bravo Justine. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a posté la photo de son canapé, puis elle a fait une mauvaise manip. Et à côté, elle a fait une photo d'elle, de sa poitrine. Petite photo coquine. Elle l'a posté telle qu'elle sur le site. Et les gens, ils ont commencé à la charrier. Ils ont dit ouais, bah, bravo, pas mal pour essayer de vendre ton canapé. Et au final, donc le modérateur l'a supprimé. Et puis elle s'est bien excusée parce que c'était une erreur. Donc c'était bien rigolo. Si j'achète le canapé, je veux les seins avec. Ah, bah, bien sûr. Seins compris, c'est marqué en plus dans l'annonce. Deuxième info. Direction la France où Stéphanie et Thierry vont se marier de manière très originale. Que vont-ils faire à votre avis? Est-ce que ce sont des jeunes ou des vieux? Non, c'est une bonne petite quarantaine d'années, mais ça n'a pas d'importance. Yolande, c'est un rapport avec le foot? Non, pas du tout. Moi, c'est un rapport avec le sport. Bah, si tu connais l'info, vas-y, fais péter. Balance. C'est avec le Tour de France, ils vont se marier sur le podium. Exactement, bonne mais réponse. Joli, mais festival de justice, madame. Qu'est-ce qui se passe? J'avais complètement inventé, donc je sais pas comment j'ai réussi. Donc, ils ont gagné un jeu sur Facebook, en fait, proposé par une célèbre marque de jus de fruits qui intègre la première fois la caravane du Tour de France. Et donc, c'est le jeu, c'était souriez, c'est votre tour. Ils ont participé, ils ont gagné. Mais t'imagines, tu soulèves un tel là sur le podium du Tour de France. Donc, ça veut dire qu'en fait, quoi, ils vont se marier sur le podium du Tour de France. C'est ça, donc exactement. La classe. Et t'imagines, tu vois les hôtesses qu'il y a généralement. Oui, mais il y a les belles hôtesses, mais surtout, il y a les commentateurs du Tour de France. C'est ça. Chute à l'arrière, la robe de mariée chute à l'arrière devant le Contador, chute. Contador, t'es à jour. Magnifique, remontée fantastique dans le pantalon de monsieur. Troisième actu. Direction le Kenya. Une jeune Kenyane a fait un petit photomontage qui est un petit peu foireux. Ah, j'ai vu aussi. Mais t'arrêtes, fou, ouais. Tu joues plus. Ça, c'est fini, tu joues plus. Tu casses l'ambiance. Elle a fait un photomontage foireux, mais il lui est arrivé un truc sympa par la suite. Que lui est arrivé? Elle est bien arrivée? Mais quoi? Elle est bien ta phrase, Khalid. Que lui est arrivé? Justine, est-ce que t'as une idée? Si tu connais la réponse, vas-y, balance. Ouais, c'est un photomontage devant la Grande Muraille de Chine ou un c'est truc ça, comme ça? Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que quoi? Elle était au Kenya. En fait, donc elle a fait un photomontage d'elle. Elle s'est mise devant la Muraille de Chine, mais tu vois, c'est foireux, c'est flou, ça colle pas. Tout le monde s'est fichu d'elle, sauf un entrepreneur, un chef d'entreprise, et il s'est cotisé et lui a offert le voyage en Chine. Ah, la classe! C'est génial! Ça, c'est la classe! Bravo! Ah, ça, et puis après, ils se sont mariés, ils ont eu des enfants, tout ça. Et puis, sur le podium du Tour de France. Alors, dernière info, et là, c'est vous qui allez jouer maintenant au 02-851-4x0 sur le Snapchat de l'émission Evan et la tribu. On va direction le Daghestan, qui se trouve où, Evan? Le Daghestan, c'est pas vu du Tigristan. Du Turlutistan. Du Boukistan. Du côté de la Russie, dans la prison d'Izberbach, où un détenu s'est échappé de manière très spéciale. Comment s'est-il échappé dans le Boukistan, là, le Foukistan, le Pukistan? Vos réponses 02-851-4x0 également sur le Snapchat de l'émission Eva les tribus. Dès maintenant, il y a du cadeau à la clé. Comment cette personne qui est en prison s'est-elle évadée de manière originale? Dites-le nous, c'est à vous de jouer maintenant, 8h49. Allez, la suite du son sur Fun Radio, c'est Galantis qui arrive et des euros avant 9h.

Fun Radio. Galantis va arriver avec In My Head sur Fun Radio, sera juste avant 9h. Et il y aura le petit déj gratos aussi, on ira du côté dégueusé ce matin. Le jeu de l'actu. Le jeu de l'actu ce matin avec Sœur Cali du Jambon qui nous propose cette info. Donc c'est du côté du Daghestan, dans une prison, un détenu s'est échappé de manière très originale. Alors au Boukistan, qu'est-ce qui se passe? Vos réponses au 02 851 4x0 sur le Snapchat de l'émission Evan et la tribu. Qu'est-ce qu'on nous dit, Justine? Rosario propose: le mec est passé à poil par une trappe. Est-ce que c'est ça? Il était bien tout nu, mais c'est pas par une trappe, c'est beaucoup plus précis que ça. Il est tout nu, hein, on est il d'accord. Il est tout nu, oui. Oh, la prison nudiste au Boukistan, c'est bizarre. Ah bah, oui, c'est génial, de toute façon les portes sont fermées. Donc, Autre proposition. Bah, du coup, il s'est déguisé en gardien de prison pour sortir, mais on sait que c'est pas ça, comme il est tout nu. Et puis Silvio, il a trafiqué la serrure, comme dans les films. Non, bah non, ça aurait été moins original. Ça alors va. Évidemment, souvent, c'est des infos originales qui nous font marrer. Vous allez partager ensuite. Alors à 8h56, quelle est la révélation de cette actualité que tu as trouvée au Plukistan là? Alors, Rustam Chakrutidov, c'est comme ça qu'il s'appelle apparemment. Donc il s'est échappé, tu sais par où il est passé? Par le hublot de la cellule qui sert normalement à passer les plats aux détenus. Mais ouais, c'est super. Petit, une espèce ça. De boîte aux lettres, en fait la fin d'une boîte aux lettres. Il est passé par là, il y a la vidéo. Il met du temps pour sortir, il met vraiment du temps. Et donc il s'est mis tout nu, évidemment, pour pas être empêché par ses vêtements. Donc on voit, il sort tout nu comme un ver de terre. Il se rhabille et puis il part. Ils l'ont pas encore attrapé Et donc c'est la vidéo en caméra de surveillance qui filme ça. On va la mettre sur le Facebook de l'émission Evan et la tribu. Évidemment avant il s'était enduit d'huile d'olive ou d'huile de vidange pour mieux passer. Ou autre chose, je ne sais pas. Non, je ne veux pas savoir. Dans un instant sur Fun Radio, le petit déj gratos, ce sera juste après. Le son de Galantis, c'est In My Head sur Fun. Just for days, but it's out of my hands. When I wake up alone, I'm catching my breath. And when I close my eyes, I get lost in your face. I'm gonna fall, fall hard, no, I don't give a damn. When you're in my-

Sur Fun Radio, ce sera Lucenzo et Donamar avec Denza Kudulo. Est-ce que quelqu'un sait le chanter? Denza Kudulo. Denza Kudulo. Bon, c'est à chier. 9h08 sur Fun Radio. Il y aura Bob Sinclair aussi qui va arriver. Il y aura du Benny Benassi avec Chris Brown. Et je dis bonjour à Lloyd. Bonjour, on est en finale. On est en finale. On est en 8ème de finale. Tu as regardé le match à quel endroit hier, Lloyd? Place du Mont à Stockel, c'était avec Juju, il y avait Nacho, Oli, il y avait plein de monde. C'était là, on écoute le son là. Extraordinaire cette ambiance de fou hier. Et c'est vrai que vous avez même trouvé, avec l'équipe de Fun qui était présente sur place, moi j'ai pas pu vous rejoindre là-bas, j'ai été dans un plus petit village à Rhodes-Saint-Genèse, où il y a eu une panne d'électricité, la télé s'est coupée pendant la première mi-temps, c'était juste un gag. C'est vrai que vous êtes fait payer des coups par plein de gens que vous connaissiez pas. Ouais, exact. En fait, ça et même des burgers. C'est vrai partout, des burgers, des hot dogs, en fait on a rien compris, on a cru à l'escroquerie à un certain moment. Ouais. On s'est dit à la fin, on va nous attaquer en fait avec un couteau sous la gorge, on s'est dit, il y a quelque chose qui se passe là, c'est pas possible. Mais moi au départ, les verres, j'osais même pas les boire. Parce que je pensais qu'il y avait des trucs dedans. J'ai d'abord laissé les garçons boire et j'ai vu qu'ils avaient rien. Enfin, j'ai rien. HB. C'est vrai, quand on t'offre un coup gratuit, t'as toujours un moment dans la tête une arrière-pensée en train de dire bon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Eh ben non, c'était juste de la sympathie. Ouais, et du coup, une vraie communion du peuple belge hier devant ce match. Moi, j'étais dans les studios avec Vince au moment du but, c'était juste extraordinaire. Et quel magnifique but. Alors, il y a plein de gens qui nous ont dit ce matin oui, bah, nous, on n'aime pas trop le foot. Ça doit représenter, je sais pas, 5% de la population, pas plus. Mais c'est vrai que tout tournait autour de ça. Ce matin, les gens klaxonnaient à 6h, les gens klaxonnaient à 1h, à 2h, à 3h, à 4h, on a quasi pas dormi. Et alors, on va revenir sur ce qui, moi, m'a marqué dans cet Euro 2016, c'est ce que je vous ai fait écouter ce matin plusieurs fois. C'est l'Islande, ce petit pays de 360 000 habitants. 10% de la population est venue soutenir son équipe. Ils sont que 100 professionnels, c'est quand même vous dire, dans le pays. Et donc, l'Islande jouait contre l'Autriche et ils étaient à la quatrième, quasi à la quatrième minute des prolongations. Et ils étaient à 1-1. Et d'un seul coup, il y a un joueur islandais qui a marqué le but de la victoire. C'est une grande première pour l'équipe d'Islande. Alors, si tu n'as pas écouté, Lloyd, je vais te faire entendre donc ce commentateur qui est extraordinaire. Je l'ai entendu dans ma salle de bain. Il est juste magnifique. Réécoutons, c'est le commentateur qui m'a fait ce matin mon émission d'aujourd'hui, jeudi 23 juin. Réécoute. Je crois, sans m'avancer, que le mec est content. C'est humain ou... Ce n'est pas enregistré dans un abattoir où on égorge des porcs. Hein, c'est bien un commentateur sportif qu'on vient d'entendre à l'instant. Vous retrouvez la vidéo facilement en allant taper sur Google la réaction d'un commentateur islandais pendant Islande-Autriche. Avant de se dire au revoir, nous allons vous offrir le Pop 4 de chez Alcatel. Mis en jeu depuis ce matin, vous avez envoyé Pop par SMS au 6322, 1€ par message. Nous appelons maintenant chez vous. Si vous décrochez, c'est gagné. Il y en aura encore d'autres à gagner. Cet après-midi entre 17h et 20h chez Audrey dans la Happy Hour et chez nous demain matin entre 6h et 9h. Ça sonne, demandera des grosses surprises également. La grosse surprise, c'est que normalement l'équipe sera au complet. Je vous dire. Justine s'en sera sans doute remise parce qu'elle allait se recoucher juste derrière. Non, faut pas se recoucher. Ah bon, tu veux tenir jusqu'à ce soir toi? Ouais. Jamais de la vie. Jamais. Si. Répondeur. Allez, je laisse un petit message et du coup, on en offrira 3 demain des Pop 4. Pourquoi ça sonne pas? Allô? Ah bah si, ça marche. Allô? Oui, allô, bonjour. Ah, j'ai failli raccrocher ma doudou. Ah, ah bah... radio. Oui, c'est radio, ma chérie. Elle veut gagner, elle perd pas de temps. Ah, je suis contente. Écoute ce que tu as remporté. Et tu repars avec ton Pop 4 de chez Alcatel, félicitations. On n'a même pas fait les présentations. Merci, c'est trop gentil. Comment tu t'appelles et t'habites où, ma doudou? Wendy, je m'adote. De Renem, on va dire Tournai. Et bien voilà, région de Tournai, ce matin tu repars avec ton Pop 4 de chez Alcatel. T'as bien fait de décrocher, tu nous as fait peur, hein. T'as mis du temps, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis au travail en plus, hein. Je suis au travail et j'ai pris l'initiative de décrocher. Nous aussi, ton petit. Tu as bien fait en tout cas de décrocher. Je t'embrasse, Wendy, pas sûr, je t'embrasse très fort, pas sûr, Wendy. Je te fais des gros bisous. Demain, on remet ça entre 6h et 9h. Et avant de se quitter, rappel du petit-déj gratos. On est où ce matin, Justine? On est à Aiguezé, vous allez chausser de Namur numéro 32, c'est la pâtisserie Olivier Maty et Olivier vous offre un pain au chocolat ou un croissant par personne. Voilà, si vous n'avez pas le temps de noter l'adresse, allez sur le Facebook, hein. Comme d'hab, vous avez jusqu'à à peu près 10h pour aller chercher le petit-déj gratos ce matin. Le Facebook de l'émission, c'est Evan et la Tribu. Le WhatsApp, c'est Evan et la Tribu. On sera là demain, peut-être au complet, je l'espère, à partir de 6h avec vous toutes, vous tous. Bonne journée tout le monde, à demain. Ouais, on est parti jusqu'à 13h sur Fun Radio. Dans un instant, Lucenzo et Don Omar, il y aura aussi Benny Benassi et Chris Brown, et voici Bob Sinclair, Someone Who Needs Me sur Fun.